On va peut-être commencer la séance en donnant la parole à Gérald. Merci Sylvie. Désolé, je garde mon manteau parce qu'on se caille un peu les miquettes. Vous avez remarqué. Donc en fait, j'ai pris la proposition qui m'a été faite de parler de l'individualisme méthodologique aujourd'hui, en essayant, contrairement à ce que mes excellents collègues ont fait avant moi, de voir, de considérer, disons, que évidemment l'histoire de l'individualisme méthodologique, je vais réutiliser ce terme d'ailleurs, on pourrait discuter sur ce point, mais peu importe, elle n'est pas terminée, et qu'il est possible éventuellement de réfléchir sur des développements possibles de cet individualisme méthodologique. Et je dirais que, évidemment, il ne s'agit pas d'adjoindre à l'individualisme méthodologique toutes sortes de lubies liées à l'expression de la recherche contemporaine, par exemple un regard obsessionnel pour les neurosciences ou des choses de ce genre, mais de plonger, c'est ce que je vais essayer de faire, dans l'origine même de l'IM, je vais dire l'IM comme ça je vais gagner du temps sur mes 35 minutes, de l'origine même de l'IM, en sociologie du moins, et je vais sans chercher trop à discuter, trouver un des principaux inspirateurs de cette origine chez Max Weber. Alors, on va dire que l'individualisme méthodologique tel qu'il est caractérisé en sociologie, il est tout de même effectivement assez différent des éléments que vous avez pointés tout à l'heure en économie, mais Alban Bouvier l'a bien précisé, donc je vais pas revenir sur ce point, en particulier dans la conception non axiomatisée de la rationalité en sociologie, qui est un élément plutôt interprétatif dans notre discipline, et la question de la maximisation notamment des utilités, etc. etc. Bon, je ne vais pas revenir sur ce point, Alban l'a excellemment dit. Je dirais qu'il y a quelques dénominateur commun dans la démarche de l'individualisme méthodologique, me semble-t-il, et qui ont d'ailleurs été rappelés par Raymond Boudon, puisque son nom, évidemment, à juste titre, a été rappelé à plusieurs reprises dans cette demi-journée, notamment dans un livre qui s'appelait « Raison, bonne raison », vous en souvenez peut-être, où il proposait un certain nombre d'éléments caractéristiques. Le premier postulat, écrivait-il, qui soutient toute approche de ce type, est celui d'individualisme, qui affirme que les individus sont les seuls substrats de l'action. Alors, je ne vais pas discuter de ce point que je fais mien. On peut ouvrir les débats ensuite sur ces questions. Mais je vais m'intéresser plutôt au deuxième postulat, le postulat P2, qui est celui de compréhension, qui affirme que toute activité mentale, qu'elle se traduise ou non en action, peut être comprise, c'est-à-dire que le sens qu'elle véhicule n'est jamais hors de portée d'un observateur, n'est-ce pas? Et on y adjoint un troisième postulat, selon la proposition de Raymond Boudon, qui est celui de rationalité, qui affirme que les conduites individuelles peuvent être décrites la plupart du temps par des raisons, quand bien même celles-ci ne seraient pas toujours clairement perçues par les acteurs eux-mêmes, et on voit bien évidemment la dimension interprétative, cette fois, que la sociologie propose. Et donc, la question que je vais me poser, c'est s'il est possible de compléter, en quelque sorte, d'augmenter les propositions de la sociologie compréhensive eu égard à un certain nombre d'éléments de la connaissance contemporaine. Je vais conjecturer devant vous en postulant que oui, qu'il est possible, sans enfreindre, je dirais, la philosophie générale proposée dans ces postulats, il est possible d'augmenter, en quelque sorte, la sociologie compréhensive. Et je dirais tout simplement qu'en fait, ces postulats de compréhension se fondent sur... alors là, pour le coup, un autre postulat, peut-être indémontrable, mais qui peut être convaincant pour autant, qui est celui de l'universalisme de la pensée humaine. En d'autres termes, ces postulats peuvent être appliqués à condition qu'on considère que toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire si on admet évidemment que le cerveau dont on parle n'est pas endommagé ou quelque chose de cet ordre, eh bien que, dans le fond, l'activité d'un individu ou d'un ensemble d'individus n'est pas hors de portée de celui qui veut la comprendre et qui appartient à la même espèce, à savoir les êtres humains. À condition évidemment que dans certains cas, et dans certains cas très spécifiques, ils produisent une activité qui est une activité de science, et qu'on appelle en l'occurrence la sociologie compréhensive, et que je vais styliser en disant qu'elle consiste à reconstruire en quelque sorte l'univers mental des individus que l'on cherche à comprendre et qui ne nous est pas immédiatement accessible par l'intuition. Ce qui n'est pas toujours le cas. Dans un certain nombre de cas, nous sommes, je vais dire, naturellement sociologues, c'est-à-dire que les raisons d'autrui, le sens porté par autrui, ne nous est pas inaccessible. Et donc, ces deux modes de raison généralement accessibles, elles ont été décomposées donc, dans la notion de rationalité en deux grands principes que je vais rappeler et qui sont eux aussi considérés évidemment comme en quelque sorte des invariants de la pensée humaine. Ces principes, le premier c'est celui que nous connaissons tous, qui est typiquement celui de la rationalité instrumentale, qui selon une conception assez classique de la rationalité, dépeint un individu comme celui qui utilise, dans un contexte donné, des moyens qui lui paraissent adéquats à la poursuite de ses fins. Le second est celui qui complète ce principe d'une rationalité instrumentale, et que, pour citer encore une fois Raymond Boudon, on pourrait caractériser comme étant une rationalité, on va dire, cognitive. Eh bien, il faut relire ce qu'en disait tout simplement Boudon sur ce point, en 99, et qui implique donc cette rationalité, la validité et la compatibilité entre elles des propositions qui composent une théorie ou des raisons qui fondent une croyance, ainsi que leur compatibilité avec le réel. Alors donc ces deux aspects de la rationalité humaine peuvent être considérés comme en quelque sorte des invariants cognitifs de notre espèce et permettent de comprendre au sens weberien des activités sociales relevant de cultures éventuellement très différentes de l'observateur. Cette, je dirais, affirmation de l'universalisme, on la trouve, à mon avis, très souvent dans l'œuvre de Weber. Évidemment, par exemple, dans la reprise de la célèbre sanction, il n'est pas besoin d'être César pour comprendre César. Hein. Ou, par exemple, dans son livre « Confucianisme et taoïsme », je parle devant notre collègue chinois, si je puis dire, où Weber insiste à plusieurs reprises pour dire qu'effectivement, l'intérêt que l'on peut avoir pour des cultures très lointaines nous frappe de deux façons. D'abord, par l'exotisme et donc l'effort qu'il est nécessaire de faire justement pour essayer de reconstruire cet univers mental, et en même temps, une forme de communauté humaine qui nous permet de le comprendre. Ceci dit, puisque mon collègue Di Iorio tout à l'heure a mentionné le recrutement d'exemples assez simples, je donnerai un exemple moi-même assez simple, qui relève par exemple du registre du cinéma. Nous avons tous vu, je suppose, dans la salle des films issus de cultures assez exotiques ou lointaines, des films iraniens ou des films chinois, et nous avons effectivement ce double sentiment, à la fois d'exotisme, ce qui constitue un des éléments du plaisir que nous avons à voir ces films, et en même temps, nous ne sommes évidemment pas incapables de comprendre les drames qui s'y nouent, la notion de vengeance, la notion d'amour, la notion de dépit, etc., etc., qui forment autant d'éléments, disons, émotionnels ou rationnels qui ne nous sont pas inaccessibles, évidemment. Alors, il se trouve en fait qu'on peut, pour commencer à réfléchir, à se demander dans quelles conditions, finalement, puisque ces invariants mentaux existent, ou en tout cas sous la forme de modèles intellectuels, de modèles conceptuels, pourquoi dans certains cas les activités d'autrui nous apparaissent immédiatement compréhensibles et dans d'autres cas non ? Bien, s'ils nous apparaissent d'abord dans certains cas immédiatement compréhensibles, c'est parce que nous sommes probablement naturellement, le terme est peut-être politiquement incorrect, mais je vais l'utiliser quand même, naturellement dotés de la compétence de comprendre autrui, tout simplement parce que, et ça c'est tout de même montré assez bien aujourd'hui par la science contemporaine, je pense notamment à De Setti et d'autres, nous sommes dotés de ce qu'on appelle une théorie de l'esprit. Et dès le plus jeune âge, hein, nous savons que les enfants sont capables d'attribuer des intentionnalités, etc. Et alors, laissons de côté la question de l'origine de cette compétence, mais en tout cas c'est une compétence qui est absolument partagée et qui caractérise une partie de l'espèce humaine. Donc nous avons la compétence de comprendre autrui, et pour plein de raisons. Mais il se trouve que cette compétence, dans un certain nombre de cas, elle dérape. Il y a donc toujours bien des invariants mentaux, mais ces invariants mentaux n'existent jamais sans s'hybrider avec des variables sociales. Lorsque les variables sociales existent dans l'univers culturel de celui qui cherche à comprendre le phénomène, eh bien l'effort de compréhension relève tout simplement d'une forme de sociologie spontanée qui fonctionne souvent bien. Lorsqu'en revanche, les variables sociales ou culturelles dont il est question, qui s'hybrident avec ces invariants mentaux, ne me sont pas immédiatement accessible, il est possible que mon esprit naturellement me suggère intuitivement des explications de type irrationaliste. Ce ne sont pas des croyances que je partage, etc., etc. C'est un univers qui est culturellement distant du mien, et je vais, on va dire, probablement statistiquement, attribuer aux actions, aux phénomènes que j'essaye d'expliquer, de type d'explication irrationaliste. Alors, évidemment, c'est pour ça que la sociologie, d'ailleurs, au sens weberien, elle est nécessaire. Sinon, nous serions tous naturellement sociologues, et la sociologie spontanée pourrait recouvrir la sociologie scientifique, et il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à produire une discipline spécifique. Nous savons tous, évidemment, si nous sommes dans cette salle, que ça n'est pas le cas. Et pourtant, je pense que dans l'état actuel des postulats tels que je les ai proposés, il manque quelque chose pour que certaines explications soient tout à fait satisfaisantes. En d'autres termes, il existe tout un registre d'invariants mentaux qui doivent être convoqués, qui doivent être recrutés pour rendre compte de façon nécessaire d'un certain nombre de ces phénomènes. En d'autres termes, si nous approchons ces phénomènes sans les recruter, eh bien, il y a un élément que nous ne pouvons pas vraiment comprendre. Et je commencerai en prenant, peut-être de façon un peu provocatrice, un exemple issu classique, parce qu'il était beaucoup relu, de Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Et je vais rappeler, parce que je pense que vous avez tous un peu en tête, je vais rappeler pour éventuellement les étudiants qui sont présents et qui n'auraient pas lu ces textes un certain nombre de fois, la réinterprétation que l'on peut faire des formes élémentaires de la vie religieuse, mais en particulier d'une partie des formes élémentaires de la vie religieuse qui relève de la question de la théorie de la magie. Vous vous souvenez ce passage, notamment sur la danse de la pluie. Je fais référence ici, encore une fois, à l'interprétation, ou plutôt à la relecture qu'avait proposé Raymond Boudon de ce brillant passage de Émile Durkheim. Émile Durkheim s'y demande pourquoi des individus arrivent à se persuader qu'en dansant, ils peuvent faire venir la pluie. Bien, voilà typiquement un élément qu'il est nécessaire de reconstruire pour un sociologue, parce qu'intuitivement, sinon, on pourrait penser, comme on l'a pu le penser d'ailleurs dans une certaine anthropologie, que ces individus sont juste stupides, hein, qu'ils attribuent des liens de causalité à la danse, fait venir la pluie B, parce que tout simplement, ils sont animés par une mentalité prélogique ou un certain nombre d'explications de type irrationaliste. Or, Durkheim propose en tout cas une explication plus subtile, j'ai envie de dire, en tout cas plus convaincante pour moi. Il évoque un certain nombre d'éléments qui ont été beaucoup explorés par Mauss aussi ensuite, vous le savez, qui est par exemple tout simplement déjà le fait qu'un croyant tient à sa croyance et que lorsque son rituel ne fonctionne pas, il va avoir tendance à tenter de le rendre plus performant en l'adaptant, en disant on n'a pas bien fait le rituel. En fait, c'est pour ça qu'on n'a pas produit l'effet, donc il faut faire le rituel d'une autre façon. Puis évidemment, statistiquement, au bout d'un moment, ça marche. Ça marche, donc ça c'est une explication assez intéressante. La deuxième, et c'est les deux dernières sur lesquelles insiste beaucoup Raymond Boudon. La première, il la passe un peu sous silence dans sa relecture du texte de Durkheim. La deuxième, c'est donc tout simplement que il n'y a pas, dans l'univers culturel des individus qu'on observe, il n'y a pas de théorie alternative satisfaisante. C'est bien beau de se moquer des individus en disant on sait bien que c'est pas la danse de la pluie qui fait venir la pluie, mais le problème, c'est que c'est quand même un modèle narratif qui permet d'interpréter un phénomène qui passe pour mystérieux, la pluie. Et que si sur le marché, on va dire, cognitif, sur le marché des idées, il n'y a pas d'alternative intellectuelle, eh bien on voit que les coûts de la constitution de l'alternative peuvent être exorbitants. Et qu'il peut y avoir une forme de conformisme cognitif parfaitement acceptable à, disons, endosser une théorie à mesure qu'il n'y a pas, encore une fois, d'alternative intellectuelle qui est constituée. Et nous savons que ce genre d'alternative intellectuelle, elle peut se créer, mais sur le long temps de l'histoire. Bon. Et le troisième élément, qui est l'élément qui va retenir mon attention, et qui n'est pas le moins intéressant, qui est qu'on rappelle dans ce texte que les danses de la pluie se font à la saison des pluies. De sorte qu'il n'est pas impossible statistiquement que la danse soit souvent suivie de l'événement que l'on escompte. Et par conséquent, il n'y a pas besoin de supposer une mentalité prélogique ou simplement une forme d'irrationalité substantielle pour concevoir que des individus équipés normalement intellectuellement considèrent que cette coïncidence n'est précisément pas quelque chose qui relève du hasard, n'est-ce pas, puisque B suit souvent A, c'est-à-dire la danse de la pluie, eh bien, il y a des raisons de penser que, du coup, c'est bien l'un qui provoque l'autre. Et alors, je dirais que Raymond Boudon, dans la lecture de ce texte, s'arrête là. Et dit, grosso modo, ben voilà, c'est satisfaisant, on voit que si on reconstruit les raisons, ils ont des raisons de croire ce qu'ils croient, dans le contexte culturel, il n'y a pas de théorie alternative, ils tiennent à leur croyance, ça il ne le dit pas trop, mais et par ailleurs, statistiquement, c'est plutôt vrai, mais le problème, c'est que, y a un tout petit problème, c'est que cette acceptation que la danse de la pluie provoque en effet la pluie, parce qu'elle ne la provoque pas mécaniquement, A ne provoque pas toujours B, c'est donc une réalité statistiquement acceptable, elle implique un autre invariant, qui est celui de la confusion entre corrélation et causalité. C'est-à-dire que pour être convaincu par la coïncidence entre l'effet B et la danse de la pluie A, il faut être porteur, avoir embarqué en quelque sorte soi-même, un élément, une heuristique de résolution de problème qui va nous faire prendre des corrélations pour des causalités. Et c'est tellement vrai, je le crois en tout cas, que si vous lisez la théorie de la magie en général, telle qu'elle a pu se développer même avant Durkheim, je pense à, par exemple à Fraser, un anthropologue, vous voyez que toute sa théorie, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je crois que c'est un des premiers à avoir vraiment essayé de formaliser la question de la magie, magie sympathique, etc. Et en fait, alors c'est un anthropologue en chambre, hein, lui il n'a pas observé, d'ailleurs comme Durkheim ou Mauss, il n'a pas observé vraiment le terrain, mais peu importe, il a fait un peu comme ça de l'analyse de données. Et il a produit une théorie de la magie descriptive, non pas explicative, elle n'est pas explicative, sa théorie de la magie, mais il constate précisément qu'en fait, toute forme de magie est toujours, de pensée magique, est toujours fondée sur une confusion entre la corrélation et la causalité. Voilà, il le constate, après il distingue différents types de confusion, c'est intéressant. Mais donc la confusion entre corrélation et causalité appartient en fait à un registre que les psychologues nomment heuristique ou biais cognitif, dont vous avez sans doute tous entendu parler, qui peut se définir comme des écarts entre la façon dont nous inférons avec des informations et celle dont nous devrions le faire pour assurer au mieux la validité de nos inférences. Évidemment, cela implique qu'il existe une réponse plus objectivement vraie dans certains cas, bien entendu. Donc ça implique une certaine normativité, mais je ne rentre pas dans ce détail. Alors, évidemment, le recours à ce type d'éclairage est un éclairage qui peut sembler superflu dans le cas de la théorie de la magie. On pourrait se dire, oui, enfin, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'ajouter à ce qu'a dit Boudon l'idée qu'en plus, derrière ça, il y a en fait une confusion entre corrélation et causalité? Qu'est-ce qu'on y gagne, en fait, d'un point de vue heuristique? Est-ce que c'est vraiment intéressant? J'accepterai volontiers cette critique d'approche superflue dans ce cas de figure, c'est un élément qui peut être superflu, mais pas dans d'autres. Dans d'autres cas, et je vais finir en vous donnant quelques exemples finalement, de phénomènes sociaux qui ne me paraissent pas pouvoir être expliqués sans recourir en réalité, en termes de sociologie compréhensive, au recrutement de l'existence d'heuristiques de résolution qui sont invariantes, non pas dans le sens où elles sont mécaniquement présentes dans les esprits, mais dans le sens où on peut les détecter statistiquement dans les populations, et que ces heuristiques, il est vrai, peuvent être impactées par des variables sociales, c'est-à-dire on ne peut pas dire qu'elles s'affranchissent complètement d'un certain nombre d'éléments culturels, de socialisation, dans lesquels ces individus, nous nous développons intellectuellement, mais elles, généralement, quelle que soit la population, elles ne disparaîtront jamais. Par exemple, la confusion entre corrélation et causalité, cet invariant mental peut s'hybrider avec bien des variables sociales dans des contextes sociaux, historiques, culturels très différents et produire des types de croyances qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, n'est-ce pas? Mais pourtant, je ne connais pas, moi, de culture qui ne manifeste pas à un moment ou à un autre, par exemple par sa théorie de la magie, l'existence de cet invariant mental. Alors, il existe un certain nombre de cas où l'on ne peut pas faire, à mon avis, une sociologie compréhensive satisfaisante sans recruter la présence de ces heuristiques de résolution. Et je vais vous donner un petit exemple. Dans les années 2000, la très riche fondation Gates s'est beaucoup intéressée aux questions d'éducation. Et là, en particulier, elle chercha à savoir ce qui faisait qu'une école affichait de meilleurs taux de réussite qu'une autre. Alors, elle a investi des sommes absolument gigantesques pour trancher cette question. Et l'idée, évidemment, derrière ça, c'était de produire une forme d'ingénierie sociale pour améliorer les conditions d'éducation. 1,7 milliard de dollars ont été investis. Et une étude a été menée par les meilleurs spécialistes. Et un des résultats qui a retenu l'attention, et sur lequel je retiens votre attention aussi, est que parmi les écoles les plus performantes, alors on a testé des tas de variables justement, et une des variables c'était la taille de l'école. Et on a vu en fait que, eh bien, parmi les écoles les plus performantes, les petites écoles étaient surreprésentées. Ainsi, sur les 1662 établissements que compte la Pennsylvanie, 6 des 50 établissements les plus performants sont de petite taille, soit 12%, alors qu'ils ne représentent que 3% des écoles de cet État. D'accord ? Donc, et là, voilà, l'enquête déclinée, comme ça, les exemples. Et cette enquête, c'est intéressant, elle incita la fondation Gates et plusieurs autres à investir de l'argent pour permettre de réduire la taille des unités pédagogiques. Donc voilà l'effet social qu'il s'agit d'expliquer. Pourquoi, à un moment donné, on a décidé d'investir de l'argent pour développer de plus petites unités pédagogiques ? On voit que dans ce cas de figure, ce n'est pas l'irrationalité, la bêtise, la stupidité qui explique ce cas. On comprend parfaitement le raisonnement qui est à l'œuvre dans ce choix pédagogique, n'est-ce pas ? En plus, il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour imaginer le type de narration sociale qui accompagne cette conclusion. Cette conclusion, donc, présente, de mon point de vue, une assez bonne hybridation avec une variable sociale, c'est-à-dire un récit, une narration, une idée, par exemple, qui est dans l'air du temps, excusez-moi, c'est bien une métaphore, hein, moi je ne crois pas qu'il existe un air du temps, que les choses soient bien claires, donc une idée qui serait dans l'air du temps et qui paraît s'imposer comme ça à l'évidence en matière d'éducation, small is beautiful. Hein. Oui, on n'a pas beaucoup besoin de se convaincre, en effet, on apprend mieux si on a un prof pour 5 ou 6 élèves que si on a un prof pour 50 élèves, c'est quelque chose qui paraît intuitivement vrai. Mais est-ce que l'on doit déduire cela des données qui nous avaient été présentées ? Je ne conteste pas d'ailleurs, qu'on se comprenne bien, l'idée que c'est une bonne piste pédagogique. Je ne dis pas qu'il fallait faire tout à fait l'inverse. Ce qui m'intéresse en tant que sociologue, c'est pourquoi à un moment donné, cette conclusion a été tirée des données qui ont été présentées. Eh bien, pour poursuivre donc notre enquête, il faut vous dire que deux statisticiens, Weiner et Zwerling, se sont penchés sur les résultats de cette fondation, peut-être avec des a priori un peu différents. Et ils se sont demandé tout simplement quels étaient les établissements les moins performants. Et comprenez bien que la question qu'on adressait aux données, elle a immédiatement recruté ce que l'on a vu. C'est-à-dire on voulait savoir quelles étaient les unités les plus performantes pour essayer de s'inspirer des caractéristiques économiques, sociales de ces unités pour les reproduire. Et on a trouvé les unités de petite taille. Et on s'est dit, enfin ces deux statisticiens se sont dit, mais au fait, quelles étaient la caractéristique des unités les moins performantes ? Et ça ne va évidemment pas vous étonner, les plus petites unités aussi, évidemment. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans, et puisque, en réalité, les liens causaux qu'on avait cru pouvoir établir en liant la taille de l'établissement et la performance pédagogique n'avaient pas beaucoup de sens, en réalité. Tout simplement parce que, comme vous le savez tous, plus un échantillon est petit, plus il a des chances de s'éloigner de la moyenne canonique, pour le meilleur ou pour le pire, évidemment, donc pour les plus performants ou pour les moins performants. Cette cécité du jugement, il se trouve qu'elle a été identifiée, on n'est pas obligé de reprendre le vocabulaire des psychologues cognitifs, mais puisqu'il existe, pourquoi ne pas le faire ? Cette cécité donc du jugement, elle a été identifiée par une heuristique qu'on appelle l'heuristique de représentativité. L'heuristique de représentativité, eh bien, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de la difficulté que nous avons d'évaluer la représentativité d'un échantillon. Nous partons du principe intuitif quelquefois, si nous n'y prenons garde, ça ne nous détermine pas mécaniquement encore une fois, mais si nous n'y prenons garde, nous partons du principe qu'un échantillon est toujours plus ou moins représentatif et qu'en tout cas, la taille de cet échantillon n'a pas un impact à proprement parler. Pour mieux comprendre cet obstacle intellectuel, je vais rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ce célèbre problème, je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent, l'exemple dit des maternités. qu'avaient proposé Amos Tversky et Daniel Kahneman, qui sont parmi les deux auteurs les plus saillants hein, sur ces questions. Vous le savez, Daniel Kahneman a gagné un prix, alors on ne doit pas dire le prix Nobel d'économie, mais bon, vous m'accorderez que je le dise pour faciliter, en 2002. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un économiste, hein, Daniel Kahneman, c'est vraiment un psychologue. Donc voici le problème des maternités. Quel est-il ? Je le rappelle, donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il est assez amusant. Une ville possède deux maternités. L'une grande, où 45 bébés en moyenne naissent par jour, et l'autre petite, où 15 bébés en moyenne naissent par jour. Alors, bien entendu, au jour le jour, on va dire que 50% en moyenne des bébés sont des garçons, hein, assez souvent. Cependant, en moyenne, sur l'ensemble de ces maternités, et sur une année, il y a à peu près 50% de garçons et 50% de filles. Je sais que ce n'est pas tout à fait vrai, mais on va admettre que c'est vrai pour l'hypothèse du problème. Mais cependant, donc, au jour le jour, ces proportions ne sont pas strictement respectées. Chaque maternité, c'est l'énoncé du problème, note tous les jours où il y a 60% et plus de garçons qui naissent. Ça marche aussi avec les filles, hein, vous choisissez. Bon. Et la question qu'on pose, c'est quelle maternité détiendra au bout d'une année le record des jours où 60% et plus de garçons naissent ? Est-ce que ça sera la grande maternité qui va détenir ce record ? Est-ce que ça sera la petite maternité qui va détenir ce record ? Ou bien est-ce qu'elles auront autant de chances l'une de l'autre et que les choses vont s'égaler au bout d'une année ? Bien, encore une fois, si vous êtes un peu lecteur de ces travaux qui sont maintenant célébrissimes, vous savez que dans ce problème, 50% des sujets qui sont testés considèrent que les deux sont à égalité. Hein, donc une majorité, hein, sur les trois options qui sont proposées, une majorité d'entre nous intuite que les deux vont être à égalité avec cette idée implicite que le hasard fait bien les choses, le hasard doit répartir les choses. Ce qui est vrai, évidemment, si vous prenez un jeu de pile ou face et que vous tirez 1000 fois ou 10 000 fois, vous aurez une équirépartition si la pièce n'est pas truquée. Seulement, évidemment, si vous sélectionnez un échantillon beaucoup plus bref, eh bien, vous aurez un écart à la moyenne qui sera beaucoup plus important. En d'autres termes, plus la maternité est petite, plus vous aurez un écart à la moyenne important et donc plus vous aurez de chances d'obtenir au jour le jour 60% de garçons en plus ou 60% en filles. Ça marche évidemment dans les deux cas. Donc la bonne réponse, ce n'est pas les deux. La bonne réponse, ce n'est pas la grande. La bonne réponse, c'est la petite. Et vous voyez bien que c'est à peu près la même structure de problème qui permet d'éclairer l'erreur qui a en tout cas provisoirement été faite dans l'attribution des allocations sur la recherche de Bill Gates, la fondation Bill Gates. Bon. Alors, là encore, la convocation de cette heuristique à elle seule ne permettrait pas d'expliquer à elle seule ce problème. En réalité, on voit bien que si on veut vraiment faire de la sociologie, il va falloir reconstruire tout le contexte, mais en même temps, je prétends qu'on souffrirait un peu quant à l'efficacité de son explication si on ne recrutait pas l'existence de cet invariant mental, et la convocation de cet invariant mental ne me paraît pas en rupture avec la philosophie de la sociologie compréhensive, elle m'en paraît un des prolongements contemporains. Alors, on pourrait penser, évidemment, que cela constitue une exception, que je suis allé trouver l'exemple improbable, mais il se trouve que, pour ceux qui me lisent un peu, vous savez que j'ai consacré au moins ces 15 dernières années de ma vie à illustrer, en fait, la prolongation de ce programme. Et des exemples, j'en ai trouvé un grand nombre. Et donc, je ne vais pas tous vous les dérouler ici, mais je rappellerai, par exemple, pour prendre un problème plus français et qui a eu une certaine importance, qui a eu toutes sortes d'impacts, d'ailleurs, de décisions, etc., la question de la vague de suicides, vous vous en souvenez peut-être, chez France Télécom. Et ça fait les gros titres des journaux pendant des semaines, etc., et ça m'a donné l'envie d'étudier cette question. D'abord, d'un strict point de vue quantitatif, qu'est-ce qu'on entend par vague de suicide ? Et y avait-il une vague de suicide ? Ce qui n'implique évidemment que les choses soient claires, et c'est pour ça que la question, comment dirais-je, de la liberté par rapport aux valeurs, hein, on parle de neutralité axiologique, mais la liberté par rapport aux valeurs est si importante, ça n'implique pas du tout de ma part, une fois que je vais voir et que je vais dire fermement qu'il n'y a pas eu de vague de suicide chez France Télécom, hein, sauf si on me prouve le contraire, justement, dans l'état actuel de ma connaissance, il n'y a pas eu de vague de suicide chez France Télécom, Cela n'implique pas de ma part que je considère que le management qui s'est produit chez Orange et France Télécom à l'époque n'était pas un management brutal et tout à fait condamnable moralement. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce que j'étudie, c'est l'hypothèse selon laquelle ce management brutal et la dérégulation du marché des télécoms a engendré une vague de suicides, telle qu'on pourrait la caractériser statistiquement. C'est ça qui m'intéresse. Ça n'implique aucune position politique et morale de ma part. N'est-ce pas ? Et certainement pas une cécité par rapport au management brutal qui s'est produit, parce que j'ai été moi aussi choqué en lisant un certain nombre, parce que j'ai fait la recherche là-dessus. Donc il y a un livre qui est sorti, par exemple, d'un manager qu'on avait enfermé dans une salle tout seul, sans bureau, sans rien. Et il est évident que je trouve ça inhumain. Enfin, je veux dire, c'est pas la question. Mais une fois qu'on a dit ça, ce serait tout à fait dommageable pour une approche scientifique de considérer a priori que du coup, l'énoncé selon lequel A, la dérégulation d'un marché provoque B, une vague de suicides, est un énoncé vrai, au prétexte qu'il serait bon, du point de vue moral, qu'on le croit. Enfin, c'est ça l'expression de la liberté par rapport aux valeurs. Ça a un sens. Alors, il se trouve que beaucoup de choses expliquent cette vague de crédulité, parce qu'il n'y a pas vraiment une vague de suicide, il y a une vague de crédulité. Par contre, là aussi, il n'y a pas de doute sur le fait que certains individus se sont donné la mort en raison de ces techniques de management. Là aussi, je ne le conteste pas, ils ont laissé des lettres, ils l'ont expliqué. Et donc, ce n'est pas le problème. Encore une fois, ce sur quoi on s'interroge, c'est est-ce qu'il y a eu un pic quantitatif de suicide qui puisse permettre de parler d'une vague de suicide ? Non pas que le management n'ait pas fait des dommages. Mais vous voyez, je suis obligé de prendre beaucoup de précautions. Sinon, il y a immédiatement un malentendu. Il y a immédiatement une narration qui vous attend au coin du bois, une narration culpabilisante d'un point de vue moral, pour désactiver ce que vous voulez dire du point de vue du vrai et du faux, et non pas du bien et du mal. Donc c'est très... Excusez-moi donc de ces circonvolutions, mais elles sont malheureusement nécessaires dans notre espace culturel qu'est la sociologie. Et donc je prends ce temps pour le dire. Et ce phénomène s'explique bien par un certain nombre de variables narratives, donc contextuelles. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, ce serait trop long là pour le coup de faire cet exposé. Je l'ai fait dans un livre qui s'appelle La démocratie des crédules. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir si ce que je dis vous paraît convaincant. Mais en tout cas, à l'intérieur de tous les éléments explicatifs, il y a un élément qui est très important, qui relève d'un invariant mental qu'on appelle l'attente excessive d'étalement. C'est-à-dire qu'on a tendance, et ça a été mesuré pour le coup, y compris expérimentalement, on a tendance à attendre, en quelque sorte du hasard, une production beaucoup plus étalée que ce que produit le hasard. Ainsi, si vous demandez dans une expérimentation à des individus, ça a été fait, d'aligner un nombre de 300 pile ou face, par exemple. Vous dites, essayez de simuler le hasard. Aligner des piles et de face, telles que vous pensez que le hasard en produirait si vous tiriez vraiment la pièce. Et on observe ce que l'on appelle une surestimation des séquences fermées brèves, c'est-à-dire d'un nombre de piles ou de faces restreint. C'est-à-dire que les individus répugnent à aligner 7-8 piles d'affilée parce que ça leur semble pas tout à fait du hasard. Et moi-même, enfin nous tous, c'est un invariant qu'on peut tester expérimentalement. Bon. Encore une fois, qui nous détermine pas comme un ressort, hein. On peut rétrojuger sur ce type d'intuition, mais on ne peut pas faire que ces illusions, ces intuitions, ces suggestions, elles disparaissent tout à fait. Eh bien, en analysant le discours des acteurs, des interprétations, des articles, il y en a beaucoup qui ont été écrits, on voit bien que la meilleure façon d'interpréter un élément du succès de cette théorie de la vague de suicide, c'est l'attente excessive d'étalement. C'est-à-dire que tout à coup, quand il y a 10 suicides qui se produisent, cela ne paraît pas être la production possible du hasard, tout simplement. Et, alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que j'ai pu montrer qu'en fait, la vraie vague de suicide, elle suit, enfin vague, le pic de suicide suit le traitement médiatique intensif de l'affaire. Hein, c'est ce qu'on appelle en sociologie l'effet Werther. Ça, c'est un sociologue qui s'appelle Phillips dans les années 70 ou 80 qui avait remarqué qu'en effet, quand on parlait beaucoup de suicide, l'OMS d'ailleurs s'en était inquiété médiatiquement, cela crée un pic de suicide. Non pas parce que les individus tout à coup deviennent fous, ils voient des suicides et ils pensent à se suicider, mais probablement parce que ça crée des opportunités mentales, c'est-à-dire que ça crée la mise en actualité de tel ou tel acte. Va conduire un certain nombre d'individus qui sont très très minoritaires à se dire « moi j'ai déjà pensé au suicide, et pourquoi pas moi ?» dans un certain nombre de contextes. Donc on observe ce pic, mais si on regarde, si on étale les chiffres sur un certain nombre d'années, il n'y a aucun élément statistiquement probant concernant une vague de suicide. Alors, là, je conclurai maintenant tout à fait mon propos. Je voulais l'incarner un peu pour que ce ne soit pas trop abstrait, vous dire que ce programme, il se décline tout à fait concrètement et qu'en effet, encore une fois, je le redis, le recours à cette sociologie compréhensive augmentée me paraît pas seulement une façon d'être à la mode pour discuter avec les sciences cognitives ou je ne sais pas quoi, mais elle me paraît assez nécessaire pour compléter un certain nombre de nos explications. Et je terminerai en disant qu'elle est, alors ça ne rend, que les choses soient claires, hein, ce que je vais dire maintenant ne rend pas plus vrai ou plus faux mon propos, mais peut-être cela le rend-il plus utile. C'est-à-dire, il se trouve que, et ça n'a rien à voir avec le développement théorique que je viens de faire, il se trouve qu'il y a une réalité contemporaine qui fait qu'on a une raison peut-être encore plus forte de s'intéresser à cette sociologie compréhensive augmentée. C'est que nous sommes maintenant confrontés à un système d'information qui est quand même assez vastement dérégulé, et qu'on appelle Internet. Et que la dérégulation de ce marché de l'information, elle a une caractéristique, au moins, elle en a plein, mais elle a cette caractéristique qu'elle augmente considérablement le niveau de pression concurrentielle sur le système, puisque chacun peut émettre de l'information. Là, on dit en économie de l'attention aujourd'hui, qui est un domaine en plein développement, que ce qui est rare, c'est un peu le temps de cerveau disponible, parce que l'information deviendrait gratuite, etc. Bon. Je ne rentre pas dans ce détail dont je ne suis pas vraiment spécialiste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut conjecturer que le niveau de pression concurrentielle sur ce marché va avoir tendance à donner l'avantage à un certain nombre de propositions intellectuelles qui ne sont pas forcément vraies, mais qui vont pouvoir devenir virales parce que précisément, elles épousent un certain nombre de pentes intuitives de l'esprit, que sont les heuristiques dont je viens de parler. Et je découvre, notamment l'année dernière, un certain nombre de papiers, un papier en 2017, alors qui est fondé surtout sur de la simulation avec des modèles multi-agents, je sais que Gianluca est là, et qui montre qu'en fait, il y a on peut simuler le fait qu'il y a une tendance à la décorrélation entre la popularité d'un énoncé et sa qualité informationnelle dans un système où la pression concurrentielle est extrêmement forte. Évidemment, je n'en tire pas une conclusion définitive sur ces questions, mais effectivement, je vois une porte ouverte, puisque vous savez qu'on parle beaucoup de fake news, de société post-vérité, de ce genre de questions, je vois quand même une entrée possible dans l'explication de l'accélération de la diffusion d'un certain nombre de propositions qui ne sont pas forcément vraies, mais qui du moins paraissent vraisemblables. Et je pense que la victoire au moins provisoire sur certains sujets du vraisemblable sur le vrai ne s'explique de façon satisfaisante qu'en tenant compte de la possibilité de cette sociologie compréhensive augmentée. Merci. Merci Gérald. Alors j'avais fait quelques diapositives. Francesco, je pourrais vous dire de passer de l'une à l'autre éventuellement? Oui. C'était pas indispensable, mais puisqu'elles sont là, on va les projeter. C'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est la première. Il faudrait mettre le plein écran. Voilà, parfait. Voilà. Bon, je vous indiquerai quand il faudra passer. Voilà. Donc après les différents points de vue qui viennent d'être développés sur l'IM, hein, je vais aussi me raccourcir l'appellation et gagner du temps, et notamment sur la question du réductionnisme, je propose de développer deux idées complémentaires. Premièrement, tout d'abord, l'IM, non seulement, comme l'a démontré Francesco, n'est pas, contrairement aux interprétations de ses contempteurs anglo-saxons, une approche réductionniste, mais je défendrai donc que l'IM représente une méthodologie fondamentalement anti-réductionnisme pour les sciences sociales. En lien avec ce qui précède, je défendrai que l'IM constitue une approche de la causalité pleinement d'actualité au regard des courants des débats dominant la philosophie des sciences contemporaines. Alors cela a été évoqué précédemment, je n'y reviendrai pas. Il s'est opéré une sorte de déplacement de l'interprétation de l'IM dans les milieux anglo-saxons. L'IM, classiquement, impute les forces motrices de l'action sociale à ceux qui décident, donc qui ont un pouvoir de pensée, en opposition avec les approches de type dites holistes, qui placent au contraire les sources des forces en jeu dans les structures sociales. Cette antinomie épistémologique foncière disparaît au profit de solutions de compromis qui ne s'intéressent plus aux forces en action, mais aux entités exogènes de l'analyse, individus et structures. Sur ces bases, l'IM, sous une version forte, mettrait en jeu les individus à l'exclusion des structures, ce qui n'a aucun sens, comme on vous l'a défendu précédemment. Je précise que j'entends d'ailleurs les structures en un sens très large, comprenant ce que l'on entend par système culturel, institutionnel, organisations diverses, structures relationnelles, ainsi que savoir et systèmes symboliques, etc. L'absence de la référence cruciale aux forces en action dans la société, pour ne s'intéresser qu'aux entités exogènes de l'analyse, trahit les fondements épistémologiques de l'IM, au point qu'il se présenterait aujourd'hui, nécessairement, comme un mix ou une synthèse d'éléments individualistes et d'éléments holistes. Selon Lars Uden, dont il a été question, la notion d'individualisme structurel donc serait plus adéquate. La réalité sui generis des institutions sociales constituerait une sorte de prise en compte tardive de l'individualisme méthodologique qui, par conséquent, perdrait sa pertinence terminologique. C'est méconnaître que l'individu de l'IM est structurel depuis le départ. Au sens où les construits que représentent l'individu et les structures sociales sont des construits réciproques qui n'ont aucun sens de manière isolée. Il n'y a pas d'individu sans structure sociale qui les définisse du point de vue aussi bien cognitif que relationnel, etc. Et pas de structure sociale sans individu. Mais le point n'est pas là, j'y reviendrai. Deuxième diapositive. Tout d'abord, quelques précisions terminologiques. On entend d'une manière générale par réductionniste le fait d'expliquer les phénomènes ou propriétés appréhendées à l'aide des construits et des lois mécanismes d'une théorie A à partir des construits et des lois mécanismes d'une théorie B. Les phénomènes décrits par A ne seraient pas autre chose que ce que décrit B. B expliquerait tout ce que A explique, etc. Le tout ne serait pas plus que ses parties, ou inversement, les parties seraient explicables par le tout. George Simmel explique, dans Les problèmes de la philosophie et de l'histoire, le caractère erroné du raisonnement micro-réducteur qui conduit à une régression jusqu'au niveau de l'atome absolu, supposé représenter tout ce qui existe en réalité, alors que lui-même est un construit scientifique. Unité et caractère composite sont des concepts relatifs. Pour cette raison, il est fallacieux d'opposer des éléments qui seraient seuls réels à des ensembles dérivés composites qui ne seraient que la combinaison d'éléments réels. Unité et caractère composite sont des catégories épistémologiques qui s'appliquent de manière variable aux phénomènes, les unités découpées dans le réel par une discipline dépendant de ses besoins spécifiques, non de présupposés ontologiques. Pour rendre compte sur cette base même de la manière dont l'individualisme méthodologique définit épistémologiquement les construits de base de l'explication en sciences sociales, mon point de départ sera une réflexion du grand psychologue russe Lev Vygotsky concernant les principes méthodologiques qui fondent sa propre démarche en psychologie appliquée à l'étude des relations entre la pensée et le langage. Les principes explicités par Vygotsky peuvent être comparés à ceux qui fondent l'individualisme méthodologique, comme en témoignent, on le verra, des textes fondateurs. Cette proximité n'est pas fortuite. Dans les domaines spécifiques des sciences humaines et sociales qui sont les leurs, la psychologie de Vygotsky et les approches qui relèvent de l'individualisme méthodologique partagent un trait fondamental, le fait d'être des sciences de la conscience. Diapositive suivante. Vygotsky part de l'idée qu'en matière scientifique, chaque niveau de complexité possède des propriétés spécifiques et qu'il est absurde d'étudier un phénomène en opérant une simple dissection, un simple démembrement d'un ensemble en éléments situés à un niveau inférieur d'analyse. On peut comparer, écrit-il, une telle décomposition à l'analyse chimique de l'eau. Cette analyse aboutit à des produits étrangers au tout à analyser qui ne possèdent pas les propriétés spécifiques du tout en tant que telles, mais en possèdent d'autres. Ainsi, l'eau éteint le feu alors que l'hydrogène lui-même brûle et que l'oxygène entretient la combustion. Dans l'étude de la pensée verbale, l'erreur de la psychologie scientifique fut de considérer la pensée et le langage séparément ou bien d'identifier la pensée et le langage silencieux. Faute de saisir les rapports internes d'unité existants entre pensée et langage, les psychologues leur ont substitué les rapports mécaniques externes de deux processus dissemblables et étrangers l'un à l'autre. Il faut, pour comprendre un phénomène, avoir recours à un autre type d'analyse défini comme la décomposition d'un tout complexe en unités de base. Les unités de base désignent des produits de l'analyse qui possèdent toutes les propriétés fondamentales du tout et sont des parties vivantes de cette unité qui ne sont plus décomposables, ce que j'identifierai comme partie constitutive du tout en tant qu'unité. Ainsi, pour expliquer les propriétés singulières de l'eau, il ne s'agit pas d'opérer une décomposition en éléments simples, mais de se fonder sur l'étude des molécules d'eau et du mouvement moléculaire. De même, la véritable unité de base de l'analyse biologique, nous dit Vygotsky, c'est la cellule vivante qui conserve toutes les propriétés fondamentales de la vie inhérentes à l'organisme vivant. L'unité de base qui comporte sous l'aspect le plus simple les propriétés inhérentes à la pensée verbale et qui, pour ces raisons, peut expliquer les propriétés spécifiques dans des contextes variés, renvoie, selon Vygotsky, à l'aspect interne du mot, à sa signification. La signification du mot concerne le langage et la pensée tout à la fois, parce qu'elle est l'unité de base de la pensée verbale. La méthode de recherche adoptée par Vygotsky est, en vertu de ces principes, l'analyse sémantique du langage comme étude de la signification du mot. Diapositive suivante. La démarche de Vygotsky, avec toutes les limites des comparaisons qu'il propose avec les sciences de la nature, permet, je crois, de cerner les fondements de la méthodologie individualiste. Loin de considérer les ensembles sociaux d'un côté et les individus de l'autre comme deux réalités qui peuvent être séparées par voie spéculative et dont les relations renverraient à une forme d'interaction mécanique externe, la démarche méthodologique adoptée est une analyse en unité de base, partie constitutive du tout en tant qu'unité. À cet égard, l'IM peut se caractériser de la manière suivante. L'individualisme méthodologique utilise comme unité de base de ses analyses les individus comme centre producteur d'actions signifiantes ou rationnelles eu égard aux ensembles sociaux auxquels ils participent. Dans ce cadre, les structures sociales ont un rôle, celui de permettre de rendre compte du sens des actions individuelles en jeu. Ce qu'il faut donc retenir ici est que les unités de base, les actions orientées socialement et les structures sociales sont des construits relatifs qui se définissent réciproquement. Mais l'approche par unité de base renvoie à des unités vivantes, actives, à un niveau en deçà duquel on ne peut aller sans annihiler cette idée d'activité. Ce qui intéresse l'analyse, c'est l'action et l'interaction de ces unités. Il y a une forme d'équivalence entre l'idée d'unité de base, le caractère indécomposable de ces unités, et l'idée d'activité. Ce qui caractérise la méthodologie individualiste et qui tend à être occulté à son sujet, ce n'est pas le rapport aux structures. C'est le rapport à la conscience des individus et à ses abords. C'est ce rapport à la conscience qui permet de comprendre le rôle des structures dans l'IM. Comme chez Vygotsky, le sens du mot est l'unité de base de la pensée verbale. Pour l'IM, c'est le sens que l'acteur social prête à son action. C'est ce sens qui fait de l'action sociale orientée une unité active, indivisible. Diapositive suivante. J'en viens à mon deuxième point, l'actualité de l'IM dans le cadre des débats contemporains en philosophie des sciences, qui met en jeu les notions de capacité ou de pouvoir causaux. Les capacités ou pouvoirs causaux inspirent une épistémologie qualifiée parfois d'active, parce qu'elle échappe à la métaphysique humienne, où les relations causales représentent des relations externes entre éléments discrets. C'est-à-dire où les choses n'ont pas de tendance inhérente à se comporter comme elles le font, de sorte que les pouvoirs causaux n'existent pas. Les pouvoirs causaux ou encore les capacités que l'on trouve par exemple chez Nancy Cartwright représentent au contraire des propriétés dispositionnelles des entités en jeu que les scientifiques tendent à considérer comme réelles. Une des sources de ces conceptions peut être trouvée chez le philosophe Rom Harré, qui distingue deux approches scientifiques de la causalité, l'approche successionniste et l'approche générative, qui s'opposent sur cette question de l'existence des pouvoirs causaux. Autrement dit, sur la question de savoir si les choses sont essentiellement passives, les causes représentant des stimuli externes dont la chaîne peut être remontée indéfiniment, ou si les choses peuvent être source de tendances à agir qui leur sont propres. Comme l'explique Nancy Cartwright, les capacités désignent des tendances causales transsituationnelles. Elles continuent de produire leurs effets dans des situations variées, en interférant avec le cours des autres facteurs ou processus. Ce qui fait mon être irritable, interférant avec le cours des autres facteurs, ce qui fait mon être irritable garantit que s'il est stimulé, je me mets facilement en colère. Et les résultats manifestent quand ma capacité s'exerce, c'est-à-dire quand je me mets en colère, mes sentiments, mon comportement, mes mots, mon langage corporel, mes expressions faciales, tout dépend de l'environnement dans lequel cette capacité est exercée. Cet exemple imagé de Cartwright va me permettre de différencier le pouvoir causal et le rôle causal pour caractériser respectivement les rôles explicatifs respectifs des individus et des structures selon l'IEM. Je signale néanmoins que toutes les approches dites actives en philosophie des sciences ne font pas nécessairement cette distinction entre pouvoir causal et rôle causal. Mais je défends qu'elle fait partie intrinsèque de l'IEM. En cela, je me rapproche des conceptions du philosophe Brian Ellis, qui distingue les pouvoirs causaux des propriétés catégoriques. Les pouvoirs causaux ont un caractère transsituationnel et sont définis par un mode d'action, c'est-à-dire par ce dont ils disposent leur porteur à faire. Or, toutes les propriétés ne sont pas dispositionnelles. Les relations spatio-temporelles, par exemple, peuvent jouer un rôle sans pour autant disposer les choses à agir d'une manière définie en vertu de ces propriétés. Ce sont ce qu'Ellis nomme des propriétés catégoriques. Elles n'ont pas un pouvoir causal en tant que tel, mais elles ont néanmoins un rôle explicatif ou causal vital. Elles représentent les propriétés définissant les circonstances de l'action des pouvoirs causaux. Tout en puisant ces exemples dans le domaine de la physique, Ellis les lie à l'idée de structure, qui inclut toutes les relations spatio-temporelles et numériques et tout ce qui concerne les formes, tailles, orientations et ainsi de suite, définissables en termes de relations structurelles entre les choses ou entre leurs parties. Cette distinction entre les forces motrices, les pouvoirs causaux ou capacités transsituationnelles, et les conditions situationnelles qui définissent les propriétés structurelles sur la base desquelles les pouvoirs causaux ou capacités s'exercent, est, comme je le défends ici, inhérente à l'approche individualiste qui considère les capacités rationnelles, qui sont des dispositions transsituationnelles, comme des pouvoirs causaux d'un côté, et les structures sociales comme les propriétés situationnelles qui sous-tendent l'action de ces pouvoirs causaux. Le statut épistémologique des individus et des structures est en ce sens réciproque, comme je l'ai évoqué, mais leur rôle causal est de nature différente. Le pouvoir causal imputé aux raisons individuelles, au sens que l'acteur donc prête plus ou moins consciemment à son action, conduit à centrer l'intérêt sociologique sur l'activité consciente et ses abords. Je vous propose d'illustrer ce point par l'exemple que Boudon donne de la politesse. Si nous voulons expliquer l'existence d'un code de courtoisie dans une société donnée, nous devons nous attacher aux données macroscopiques, telles que le type de société, rurale ou urbaine. Nous devons, rurale ou urbaine dans lequel il prévaut, mais on ne comprendra pas les effets de ces différences macroscopiques si l'on ne perçoit pas leur impact sur le sens que les acteurs sociaux attachent aux règles de politesse en fonction de leur situation. Et à partir de là, on est en mesure d'expliquer pourquoi ces règles tendent à se stabiliser dans un contexte donné pour constituer une structure ou une forme dans le langage de George Simmel. Alors me direz-vous, et on me l'a dit, mais quelle différence y a-t-il donc entre l'habitus et la politesse ? J'ajoute, l'habitus n'est pas en soi un opérateur déterministe. Il est supposé rendre compte d'un fonctionnement cognitif qui, après tout, a sa légitimité. Le point est que dans la sociologie pour Dieuzienne, et le principe actif transsituationnel, si l'on peut dire, s'il en était un, s'enracine dans les rapports de forces sociaux, non dans les individus. Tout est dit. Si l'habitus était une capacité transsituationnelle, ce serait la capacité inconsciente des individus à traduire les rapports de forces sociaux en actions qui les maintiennent. La capacité rationnelle qui suppose une exigence individuelle de sens et de cohérence ouvre, pour les tenants de l'IEM, des perspectives plus vastes. Évoquons aussi à ce sujet l'assertion souvent citée de Friedrich von Hayek, suivant laquelle l'IM, qui est étroitement lié au subjectivisme dans les sciences sociales, part des concepts qui guident les individus dans leurs actions et non des résultats de leur théorisation de ces actions. L'action subjective hayekienne exprime l'idée que c'est à cette limite inférieure de l'analyse, celle marquée par l'action individuelle consciente, que se déploient les forces qui rendent compte des phénomènes sociaux, ce que Weber avait aussi exprimé sous la forme suivante. En général, pour la sociologie, des concepts donc, tels que l'État, l'association, le féodalisme, etc., désignent certaines catégories de l'interaction humaine. C'est la tâche de la sociologie de traduire ces concepts en actions compréhensibles, c'est-à-dire sans exception, en actions des individus participants. Autrement dit encore, en actions conscientes, orientées socialement. Dernière diapositive. Je dois faire ici une parenthèse très rapide concernant la notion de rationalité qui joue un rôle central donc, dans l'approche épistémologique active qui caractérise l'IM. On en a parlé, donc je ne m'arrête pas. Mais cependant, c'est important pour être complet d'y faire tout de même une allusion. La référence au sens, aux raisons des actions individuelles n'implique pas une conception normative de la rationalité, elle permet seulement d'évaluer, à mon avis, la pertinence relative des modèles explicatifs en sociologie. Elle a donné lieu elle-même à des interprétations qui tendent à dessiner des approches différentes dans les sciences sociales qui relèvent de l'IM. La théorie du choix rationnel tient, on en a parlé, une position limite qui minimise le rôle joué par les structures sociales et cognitives en faveur d'individus utilitaristes et optimisateurs dans un but plus prédictif qu'explicatif. Une conception plus large incluant les croyances individuelles apparaît dans la triade croyances, préférences, contraintes qui fonde un courant important en économie aujourd'hui et dans la triade qui est apparentée désir, croyance, opportunité que l'on trouve par exemple chez le sociologue Peter Edstrom dont on a parlé précédemment et qui donc apparaît en sociologie, dans la sociologie analytique, sans limiter pour autant, mais, bien sûr, la sociologie analytique à cette conception. Plus généralement encore, l'IM a tendu à progresser avec l'élargissement et l'approfondissement de la notion de rationalité, tout spécialement par le développement de l'intérêt porté aux valeurs qui animent les actions individuelles, comme c'est le cas dans les travaux de Boudon. Je propose d'illustrer mon propos, enfin, par l'exemple de l'opposition, un exemple parmi beaucoup d'autres, mais simplement qui a une simple vertu d'illustration, donc de l'opposition de Max Weber à Nietzsche au sujet de l'origine du christianisme. Nietzsche explique le succès du christianisme dans les classes populaires à partir de la notion de ressentiment. Les défavorisés sont censés cacher leur désir conscient ou inconscient de vengeance et leur peur et haine de la vie sous une quête morale qui, idéologiquement, renverse la relation de domination et promet une compensation dans l'au-delà pour la distribution inégale des biens mondains. Inversement, Weber défend que le succès général des croyances religieuses peut être expliqué par l'intellectualisme en tant que tel, un besoin qui n'est pas animé par des problèmes matériels, mais par une exigence interne de compréhension du monde, comme cosmos signifiant, et par celle de prendre position à cet égard. C'est en se fondant sur une telle exigence de sens et en vertu des connaissances et croyances des acteurs sociaux que Weber offre, comme on le sait et comme cela a été évoqué, d'une manière qui a d'ailleurs largement été discutée, une explication de l'origine de l'esprit du capitalisme, qui tendait aussi non seulement à se moquer de l'idée même de l'esprit du capitalisme, mais à inverser la logique marxienne aussi, selon laquelle donc, les conditions matérielles objectives constituaient les forces motrices de la naissance du capitalisme. Pour conclure, l'interprétation de l'IM comme réductionniste apparaît comme un contresens contre lequel ses proposants se sont inlassablement défendus. On peut se demander non seulement pourquoi il est aussi profond, mais aussi pourquoi il perdure. L'importance du rôle joué par la théorie du choix rationnel en économie peut alimenter sans la corroborer l'interprétation réductionniste. Des points de vue peuvent être aussi faussés par des partis pris politico-culturels dont on ne peut sous-estimer l'importance qu'ils revêtent dans les sciences humaines et sociales, peu enclines à donner aux consciences individuelles le rôle qu'elles revêtent pour l'individualisme méthodologique. Mais les débats devraient alors se porter sur des problèmes véritablement soulevés par la méthode individualiste et non la rendre aussi unilatéralement sujette à contresens. Le problème pourrait bien être beaucoup plus simple. Il pourrait découler en réalité, me semble-t-il, des obscurités introduites dans les textes programmatiques, et cela a été évoqué aussi précédemment, par des arguments qui paraissent évoquer des problématiques attachées à des questions d'existence des individus à l'exclusion des structures, plutôt qu'à des questions épistémologiques attachées à des modes d'explication, en l'occurrence aux forces réputées en action dans la société. Les textes en question apparaissent non seulement plus clairs, mais tout simplement scientifiquement cohérents si on les relie en ce sens, comme évoquant non pas les entités en jeu, mais les entités douées de dispositions transsituationnelles à agir, qui ont des capacités ou des pouvoirs causaux à l'origine des forces en action. Cela n'entraîne pas, on l'a vu, que les entités actives soient les seuls éléments de l'explication, mais que le pouvoir explicatif des autres éléments s'exerce à travers leur action. Ainsi, par exemple, l'assertion de von Mises, un collectif social n'a pas d'existence ou de réalité en dehors des actions individuelles de ses membres, devrait se lire « un collectif social n'a pas d'existence ou de pouvoir explicatif en dehors des actions individuelles de ses membres ». Quand John Elster définit l'individualisme méthodologique comme la doctrine suivant laquelle tous les phénomènes sociaux sont en principe explicables en termes d'individus, leurs propriétés, buts et croyances, il exprime que seuls les individus ont un pouvoir causal. Contrairement à l'impression suscitée par les différentes définitions de l'individualisme, qu'il n'y a pas de consensus à propos de la question cruciale des explanantia, il semble qu'au contraire, les ambiguïtés en jeu soient de pure forme et qu'existe un consensus particulièrement fort à cet égard. L'économiste Geoffrey Hodgson, en soulignant que les explications reposant sur les individus seulement n'ont jamais été réalisées, pose la question de savoir si l'introduction des structures sociales avec les individus parmi les facteurs explicatifs mérite l'accent unilatéral mis sur les individus dans l'expression individualisme méthodologique. Je répondrai que dès lors que l'on comprend qu'une épistémologie active fonde l'IM, alors l'expression qui lui rend raison est on ne peut plus pertinente, et comme cela a été dit avant moi, on ne peut lui préférer un individualisme structurel qui en réalité représente au bout du compte un abandon de ce fondement. Je vous remercie. Bon, j'ai un peu accéléré le rythme, si bien qu'on a quand même un peu de temps devant nous. Sa position est un peu caricaturale sur l'analyse économique et je voudrais, par certains éléments, la corriger. Premièrement, l'hypothèse selon laquelle tous les économistes admettent qu'il existe un seul État, un seul monde avec, dont on connaît tous les États. Il y a tout de même des contre-exemples. Il y en a un connu un grand succès, mais que je suis très bien. C'est Schaeckel. Schaeckel a envisagé l'hypothèse de la surprise. C'est vrai. Et a essayé de fonder une théorie rationnelle, choix rationnel, en intégrant le non-expected. Deuxièmement, j'ai été très surpris n'ai pas eu un mot sur... je crois qu'on m'entend directement. J'ai été surpris que tu n'aies pas cité la théorie des jeux. Parce que la théorie des jeux, c'est certes une théorie qui a été construite à partir de la rationalité individuelle, mais qui envisageait le problème de l'interaction, donc pas des individus isolés, et qui a progressivement évolué vers justement une transformation des individus par cette interaction. Et si on prend aujourd'hui les travaux les plus récents, ils sont inspirés de l'économie cognitive, voire même de la neuroéconomie. Par conséquent, il y avait là un champ de l'individualisme développé par l'économie et qui n'entre pas dans les critiques formulées. Enfin, je ne crois pas aujourd'hui les apports non traditionnels à l'analyse de la décision soient à ce point en quelque sorte étrangères à l'analyse économique des choix décisionnels. Je prends un seul exemple qui a été cité par un autre orateur. Kahneman, qui n'est pas un économiste, a été récompensé par les économistes. Le prix Nobel de cette année, Thaler, qui n'est pas non plus un économiste d'origine, pour ses travaux, disons, d'économie cognitive, a été également récompensé. Et je ne dis rien de ce sur quoi je travaille maintenant, qui sont les ponts entre l'analyse économique au départ individuelle et la neuroéconomie, neuroscience, qui est de plus en plus développée dans le sens d'une neuroscience sociale. Il y a un sous-ensemble de la neuroscience sociale. Or, cette neuroscience sociale est là comme ça, tout de même, justement, une forme d'individualisme méthodologique. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais je réponds tout de suite. Okay. Merci Christian. Donc brièvement, Shackle, très bonne référence, mais c'est un astre isolé. Personne d'autre que lui ne fait du Shackle. Et c'est, je reconnais, c'est bien dommage. Deuxièmement, la théorie des jeux. Alors, évidemment, en plus tu es un érudit, on peut toujours aller chercher les derniers articles, etc. Ça me rappelle, je ne t'assimile pas du tout à mes chers amis orthodoxes qui me disent toujours « Mais on trouvera le problème, mais tu n'as pas lu l'article là qui vient de sortir sur, etc. » Qu'est-ce qu'on voit dans l'écrasante majorité de la théorie des jeux ? L'utilisation. Ce que je dis là, je peux même te donner la référence, c'est un Italien, Mariotti, dans un article de l'Economic Journal de 1995, il fait remarquer que comme vous le savez, Von Neumann et Morgenstern ont participé à l'axiomatisation de la rationalité individuelle utilisée dans la théorie des jeux. Alors ça va, j'ai de la pousser un petit peu plus loin. Mais le point que je voudrais signaler, c'est qu'il n'y a aucune différence entre l'axiomatique utilisée de la rationalité individuelle, utilisée pour des interactions avec d'autres êtres humains, et l'axiomatique savagienne, ou Von Neumann et Morgenstern, utilisée pour des jeux contre la nature. Comme si c'était la même chose d'interagir avec d'autres humains ou d'interagir avec une nature, non pas inhumaine, mais non humaine. Alors d'abord, c'est faux mathématiquement, il l'a montré, et c'est évidemment, d'un point de vue, comment dire, éthique, c'est incroyable. Et la théorie des jeux a une responsabilité accablante dans le fait qu'on se concentre sur ce qui est tout simplement des formes de tromperie, hein, les deux formes de risque nées de l'asymétrie d'information qu'on appelle hasard moral ou sélection adverse. C'est une aptitude à tromper son partenaire. Et toute la microéconomie orthodoxe aujourd'hui repose sur cette base-là. Mais bien sûr, en cherchant très bien, et je sais que tu cherches très bien et dans tous les coins, on va pouvoir trouver des automates qui interagissent entre eux, on va pouvoir trouver des choses. Mais c'est pas ça qui donne le ton dans la profession. Et enfin, dernier point, oui, bien sûr, Kahneman et Tversky, Simon, Douglas North, Thaler, ça fait partie de l'habileté peut-être de la profession que de reconnaître périodiquement certains glorieux hétérodoxes. Alors, dans le cas de Kahneman et Tversky et de Thaler, on ne leur a pas simplement donné une médaille et puis on n'en fait rien, puisqu'ils ont une certaine audience. Ce que je remarque simplement, c'est ce que j'avais dit dans mon propos, c'est que leur impact est extraordinairement localisé. C'est-à-dire, je ne connais pas de modèle macroéconomique, je ne connais pas de théorie... Ben oui, mais il est clair qu'une économie composée de gens qui se comportent comme l'ont analysé Kahneman et Tversky ou Thaler, ça va entraîner un marché du travail différent, ça va entraîner des entreprises différentes, ça va entraîner une économie nationale différente. Où est la théorie qui fait ça ? Ah ben non. Alors là, on va revenir aux outils traditionnels. Mais merci pour tes remarques judicieuses. Je me posais la question à propos de l'exemple de l'éducation et puis des cliniques, si on peut les mettre sur le même plan, en ce sens que, dans le cas des cliniques, oui, c'est un problème purement statistique. Dans le problème des écoles, on pourrait dire que le résultat de l'enquête pourrait confirmer le fait que les qualités humaines, certaines qualités humaines sont décisives dans l'éducation et que dans une petite structure, elles jouent pour le mieux ou elles jouent pour le pire. C'est la petite structure qui met plus en valeur le facteur humain. Et là, je prends un exemple. Donc, j'ai entendu récemment, j'avais entendu une conférence, puis j'ai lu le livre, une expérience qui s'intitule Espérance banlieue, donc un réseau d'écoles est créé par un homme d'affaires catholique très motivé et qui applique dans des quartiers très difficiles une méthode qui est très proche finalement de la méthode scout, oui, que je connais un peu, et qui obtient des résultats extrêmement remarquables, enfin d'intégration et de motivation de populations vraiment défavorisées sur le plan social et culturel. Et là, c'est indispensable que la structure soit petite, c'est-à-dire ça suppose un groupe d'animateurs très soudés et très motivés avec des petits effectifs, mais justement, à défaut, on peut imaginer le défaut opposé, c'est-à-dire une structure de plus grande taille arrive tant bien que mal à assurer certains résultats, et tandis qu'à une plus petite échelle, on joue alors ce facteur personnel très important. Mais d'accord, je vais lever un malentendu, hein, si y en a un. En fait, je ne dis pas que l'énoncé conclusif selon lequel une plus petite unité pédagogique est meilleure dans l'absolu est faux. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est les raisons qui ont conduit à cette conclusion. Et je dis que les raisons qui ont conduit à cette conclusion l'ont été. Enfin, cette conclusion a été conduite pour des raisons douteuses, on va dire, qui sont probablement contaminées, si on regarde cette histoire telle qu'elle se déroule. C'est une hypothèse que je propose, interprétative. Je pense qu'on gagne en interprétation si on voit que ce raisonnement a été adossé à l'heuristique de représentativité. Mais vous savez très bien qu'on peut aboutir à une conclusion parfaitement vraie avec des prémices parfaitement fausses. Donc je pense qu'on est un peu dans ce cas de figure, probablement. Évidemment que ça semble couler de source, c'est ce que j'avais dit par précaution, que de toute façon, il vaut mieux, en effet, en éducation, avoir un prof pour 6 élèves qu'un prof pour 200, en particulier pour les petits. Cela, je ne le conteste pas du tout. Hein, en tant que moi, je travaille sur les croyances collectives. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont une idée s'impose et les raisons réelles qui font qu'elle s'impose en état de concurrence assez souvent avec d'autres types d'interprétations. Et ce que je dis, c'est que dans certains cas, le fait qu'une proposition aille dans le sens de nos attentes intuitives, on va dire naturelles, ou en tout cas statistiquement repérables, lui donne un avantage concurrentiel, en fait, c'est tout. Ça ne veut pas dire que la conclusion à laquelle elle aboutit est nécessairement fausse. Oui, je voudrais poser une question à Dan et à Gérard. C'est un problème sur lequel nous avons débattu plusieurs fois. Et sur le statut épistémologique de la l'individualisme méthodologique. Et je crois que pour parler du statut épistémologique de l'IEM, il faut partir d'une question élémentaire. Quel doit être le but de la méthodologie des sciences sociales? Le but de la méthodologie des sciences sociales doit être élever le niveau scientifique des sciences sociales pour défendre les sciences sociales dans l'idéologisme, etc., dans la recherche du consensus, qui n'est pas le but du savoir social. Il faut avoir une méthodologie qui soit plus proche possible de l'histoire de la science et de l'histoire des faits sociaux. C'est le contraire de ce qu'ont fait les philosophes analytiques. Peut-être que certaines des générations de la philosophie analytique ont fait des dommages dans la philosophie et sont en train de faire des dommages dans l'épistémologie des sciences sociales. Lorsque j'ai lu le livre d'Epstein, c'est un exemple d'un philosophe qui n'a pas étudié la histoire de la science, qui n'a pas étudié la histoire de la philosophie et qui fait une théorie tout à fait abstraite par le métier du sociologue, le métier de l'économiste. Et ça m'intéresse beaucoup, votre opinion. Et une autre petite question, c'est la suivante. Je crois que pour élever le standard de scientificité de la méthodologie individualiste, il faut penser à l'individualisme méthodologique comme une logique de l'explication, et qui est liée à l'application du modèle Popper-Imper dans les sciences sociales, c'est-à-dire le covering law model dans les sciences sociales. Pour expliquer l'action, il faut reconstruire la relation causale entre les raisons et l'action. Pour expliquer les phénomènes sociaux, les macro-phénomènes sociaux, il faut reconstruire les liens causaux entre les actions et les phénomènes sociaux. C'est une couverture nomologique, c'est le savoir nomologique donc par Weber. Et donc l'individualisme méthodologique et l'explication causale sont deux choses strictement liées pour améliorer le standard de scientificité des sciences sociales. Parce qu'on peut reconstruire cette lien avec des conjectures qu'il faut contrôler sur la situation, c'est la logique de la situation de Popper, qui est complémentaire, tout à fait complémentaire à la sociologie des bonnes raisons de Proudhon. Et donc, pour moi, l'individualisme méthodologique est pour définition un individualisme structural dans le sens que l'action humaine est dans un millier d'interactions qu'il faut considérer pour expliquer les stratégies de chaque niveau. Alban, je t'en prie. Merci. Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris ce que tu voulais dire, mais donc j'exprime, merci de tes questions, j'exprime des désaccords sur les deux points. D'abord, c'est très éloigné de mon point de vue que de vouloir condamner la philosophie analytique. Au contraire, je pense que la philosophie analytique a un idéal, par définition, d'analyticité, décomposer les problèmes, avoir un style de grande clarté, et je pense qu'on a besoin de ça. Moi, je pense qu'on a besoin de maximum de clarté, même si j'ai de l'estime pour Hegel, etc. Je pense que si on veut faire quelque chose de cumulatif, il faut de la clarté. Et parmi les philosophes analytiques, effectivement, il y en a, mais je pense parce qu'ils sont trop popperiens, ils n'ont pas assumé Kuhn, n'ont pas assumé l'idée d'une histoire des sciences. Il y en a un certain nombre qui ont, ceux que j'ai cités, ceux que Francesco a cités, qui ont une vision anhistorique, acontextuelle de l'individualisme méthodologique et qui ne regardent pas ce que les gens font. Donc, je pense que c'est de la paresse intellectuelle. Il y a un tas de circonstances contextuelles qui fait que, par exemple, si on envoie un abstract dans un colloque de philosophie des sciences sociales avec des références à des sociologues ou des économistes en grand nombre, on ne va pas être retenu parce que les philosophes ont l'impression que ça ne fait pas partie de leur domaine. Mais loin de moi de condamner les philosophes analytiques. Bon, d'une part, je pense que des gens que j'ai cités, tout homme là, surtout Philippe Petit et Margaret Gilbert, mais comment Olivier Favreau a fait un usage de David Lewis, qui a un remarquable philosophe analytique, un élève de Quine, un esprit tout à fait exceptionnel. Il montre comment David Lewis permet de construire, en même temps, en quelque sorte que Keynes, je crois, l'économie des conventions. Tu dis que tu tires parti de ces deux auteurs. Et je pense que, voilà, donc au contraire, je rendrai hommage. Je pense que c'est une petite partie de la philosophie analytique qui est comme ça. Voilà. Et deuxièmement, concernant Hempel et la causalité, alors, je suis un petit peu étonné que tu me dises ça, parce que, oui, d'une certaine façon, Hempel a décrit avec son double modèle nomologique déductif et inductif statistique un bon modèle d'explication des sciences sociales jusqu'à un certain point, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu connais ça quand même, jusqu'à ce que Vray, etc., Drey lui fasse des objections en lui disant comment est-ce que ça peut s'appliquer à l'histoire et à toute discipline historique. Bon. Et Hempel a fait une réponse qui est, à mon avis, pas tellement connue, c'est qu'il intègre ce que lui dit Drey, quoi, et il introduit quelque chose comme un troisième modèle, c'est-à-dire, et qui est destiné à rendre compte de la genèse des phénomènes sociaux qui seront ensuite observés au niveau, par exemple, des données agrégées. Bon, il parle déjà de modèles générateurs. Bon, et ça, c'est pour moi le programme de la sociologie analytique. Hein. Il y avait, je l'ai dit tout à l'heure, Elster, Boudon sont des anticipateurs de ça. Donc ça, indépendamment de leur méthodologie individualiste, c'est deux choses qui sont cohérentes, mais qui sont un peu indépendantes. Hein. Chez Boudon, il y avait déjà un chapitre dans l'inégalité des chances, les modèles générateurs. Comment les inégalités sociales sont-elles engendrées par les comportements des individus? Bon, et ça, ce modèle générateur, ça ne rentre pas dans le modèle nominologique déductif et le modèle inductif statistique. Et donc, Nathalie citait tout à l'heure Nancy Cartwright, et celle, je pense, qui, en philosophie de la physique, a montré le mieux la nécessité en physique même de modèles générateurs. Les physiciens ne passent pas leur temps à établir, à faire des analyses de données, faire des corrélations. Ils ne font pas que ça. Qu'est-ce que c'est pour rendre compte d'un volcan? On peut recourir à la thermodynamique, etc. Mais ensuite, il faut étudier le mécanisme des éruptions, etc. Il y a différents types d'éruptions. Voilà. Et les biologistes font ça. Ils ne passent pas leur temps simplement à faire des corrélations statistiques, à chercher des régularités. Ils cherchent les mécanismes de duplication des cellules, etc. Donc, en sociologie, ça, c'est le programme de sociologie analytique. Bon. Et donc... voilà, ma réponse un peu longue. On a une question ici. Gérald. C'est pour Gérald, en l'occurrence. J'imagine que je ne suis pas le seul à te dire ça, mais la question des invariants, c'est assez séduisant. Sauf que, alors, moi, j'y connais rien en neurosciences, j'y connais rien en sciences cognitives, donc je n'ai pas du tout la culture pour discuter ça. En revanche, ça fait plusieurs fois que je t'entends dans tes arguments utiliser les arguments du passé ou utiliser des arguments comparatifs, on va dire. Notamment ici, l'argument de la relecture par Boudon des textes sur la magie. Du coup, il me semble quand même que dans cette perspective-là, c'est-à-dire si tu prends des matériaux historiques pour montrer qu'il y a des invariants, ça pose quand même un sérieux problème d'interprétation. Même du point de vue des bonnes raisons des individus. En l'occurrence, la façon dont tu interprètes ce texte sur la magie, en gros, ça revient à dire, voilà, il y a un biais cognitif parce que ils croient qu'en faisant la danse de la pluie, ils vont faire tomber la pluie, même si ça arrive que de temps en temps. Alors moi aussi, j'ai lu le texte de Boudon, là, autrefois, de mémoire, il dit, ils ont de bonnes raisons pour se dire que ça ne marche pas. Et si tu dis ça, au fond, tu raisonnes en disant... Ce qui est important, c'est qu'ils croient qu'ils ont fait tomber la pluie. Les bonnes raisons qu'ils ont pour se dire ça n'a pas marché, c'est un espèce de résidu qu'on laisse de côté. Alors bon, en l'occurrence, forcément, c'est des textes que je connais bien. Pour le coup, dans les textes en question, ce pourquoi la pluie n'est pas tombée a autant d'importance que ce pourquoi la pluie est tombée. Alors, en l'occurrence, l'interprétation du Durkheimien, peu importe, ça consiste à dire que dans tous les cas, ça mobilise des classifications qui sont des classifications sociales et que pour le coup, quand ça tombe pas, c'est une connaissance aussi stable et aussi solide que quand ça tombe, parce que ça vérifie que ces classifications sociales permettent bien d'expliquer le monde. Bref, je laisse de côté, tu vois, mais en gros, ça veut dire quand même que dans ton exemple, du moins dans celui-là, tu laisses de côté le moment où ça ne marche pas, comme si c'était un résidu, et tu dis voilà, c'est un biais parce que quand la pluie tombe, ils disent que ça marche. Ben non. Si vraiment tu regardes les bonnes raisons des individus concernés à fond, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. De même, j'imagine que c'est en chantier pour toi. L'exemple de tout à l'heure, tu dis bon ben voilà, il y a des pourcentages, 60%, 40%, ok, mais ça marche pour nous dans le contexte actuel aujourd'hui. En l'occurrence, des gens qui savent raisonner en faisant des pourcentages. Tu vois. Et puis, juste une petite remarque, oui, alors, pour Alban, oui, on peut effectivement dire que Durkheim a utilisé, j'en parlais tout à l'heure avec Gianluca, a utilisé dans ses raisonnements le niveau individuel et redescendu au niveau des individus. C'est exact. Dans le suicide, il y a des considérations comme ça. Ceci étant dit, quand il essaie d'interpréter les corrélations des données agrégées, en effet, il parle des courants suicidogènes, et pour le coup, c'est une ontologie sociale pour lui qui fait sens, ça veut dire que c'est un état de la conscience collective. La conscience collective, pour lui, c'est quelque chose de solide et qui existe. Ah mais c'est en... Non mais je suis d'accord, mais c'est en ça qu'on ne peut pas faire de Durkheim un individualisme méthodologique. Par contre, on peut dire qu'il fait de l'analyse microsociologique des données agrégées. Mais il recourt à des pseudo-entités. Donc je pense que Boudon, là, il pousse trop loin le bouchon quand il dit que Durkheim est individualisme méthodologique. Excuse-moi, j'ai répondu. Non, mais je t'en prie. D'ailleurs, feu de l'action. Moi, je suis... la question ne m'était pas adressée, mais je suis très en accord avec toi sur la question de ne pas tirer les auteurs vers des interprétations ex post. C'est ce qui m'avait gêné aussi dans la lecture de Boudon, notamment de Durkheim et de beaucoup d'autres. Je crois qu'il y a quand même une cohérence à un moment donné d'un auteur, en effet. Mais sur l'autre point, comment ? De manière plus générale, au-delà de la magie, on s'en fout, hein, je n'étais pas en train de donner une leçon durkheimienne. Comment est-ce que tu peux utiliser des exemples historiques, par exemple, pour dire, voilà, c'est des invariants, ça se passe comme ça dans telle société, à d'autres moments, à d'autres époques. Ça suppose quand même, j'imagine, un minimum de contrôle, un minimum, tu vois. Ok. Ouais. Non, mais je n'ai pas encore commencé à répondre à la question. Je parlais juste de... Enfin, en effet, par exemple, des notions comme la conscience collective, etc., me semblent pas seulement métaphoriques sous la plume de Durkheim dans un certain nombre de cas. Mais enfin, d'une façon générale, le recours aux invariants, je me suis mis dans le sillon d'une sociologie comprise comme une interprétation. C'est donc, a fortiori, quand on s'adresse à des matériaux du passé, on ne peut de toute façon pas faire des entretiens avec les acteurs sociaux, et quand bien même on le pourrait, même si on pouvait faire des entretiens avec ces acteurs sociaux, cela ne retirerait rien au fait qu'il s'agit d'une interprétation de ce discours, car il faut encore postuler l'idée que l'acteur social a un accès direct aux motivations qui sont les siennes, ce que je crois faux. Dans certains cas, c'est vrai, dans certains, surtout si on parle notamment de heuristique, de résolution, etc. On est donc là totalement, évidemment, dans la question de l'interprétation. La question est de savoir, c'est comment produire une interprétation qui est supérieure, du point de vue de son contenu descriptif et explicatif, à une autre. En réalité, les propositions intellectuelles de la science, elles sont en concurrence. Et la question est de savoir, non pas si on va décrire le réel en soi, mais si l'interprétation intellectuelle qu'on va proposer peut être classée ordinalement avant un certain nombre d'interprétations concurrentes. Ce que j'ai voulu dire par mon propos, c'est qu'à mon avis, on augmentait encore une fois la performance de ce modèle intellectuel qu'on propose en termes d'interprétation en y adjoignant l'existence de ces invariants mentaux. Ces invariants mentaux existent-ils vraiment? C'est la question finalement que tu me poses. Et dans le fond, peut-on inférer d'un certain nombre d'exemples historiques l'existence préalable? Est-ce que c'est, par exemple, pourquoi, après tout, ces invariants mentaux ou ces heuristiques, ces biais ne seraient pas des artefacts créés dans les laboratoires par Amos Tversky, Kahneman, Barilel et tous les autres? Bon, c'est très difficile de répondre fermement à cette question. Je répondrai de deux façons. Premièrement, comme tu le sais sans doute, un certain nombre de ces tests ont été menés, alors avec des aménagements culturels quelquefois, dans des cultures très très différentes, y compris dans des sociétés... Je ne sais pas comment les caractériser, dites traditionnelles, etc., pour peu qu'il en existe encore véritablement, c'est un peu difficile à trancher. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'impact des réponses psychiques par rapport à ces énoncés, elle est en effet, il n'est pas, ces réponses psychiques ne sont pas indifférentes au contexte culturel. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais cependant, je n'ai pas connaissance de papier qui montre l'inexistence de ces invariants à travers les différentes cultures. J'y vois là un argument assez solide pour prendre au sérieux l'existence de ces invariants, tout en n'oubliant pas le programme que je propose. Moi, c'est que la sociologie, c'est une discipline qui s'intéresse aux hybridations entre invariants mentaux et variables sociales. Bon, alors évidemment, après, on a tous une sensibilité particulière. C'est vrai que moi, j'insiste peut-être beaucoup sur l'existence des invariants parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai forcément probablement une asymétrie analytique et je veux bien le reconnaître, sans doute. Mais précisément, si ce sont des invariants, eh bien, on peut supposer qu'ils existaient, qu'ils préexistaient au moment historique où ils ont été découverts. C'est un pari, si tu veux, c'est un pari scientifique. Et je ne sais pas trop quoi te dire d'autre, hein, puisque en plus, pour l'exemple de la danse de la pluie, j'ai reconnu que ce n'était pas l'exemple le plus parlant pour... on n'était pas obligé d'en passer par l'existence éventuelle de la confusion entre corrélation et causalité. Mais c'est, voilà bien, par exemple, un invariant qu'il est quand même difficile de ne pas voir dans l'expression de toute forme de magie. Mais je vois pas ce que ça t'apporte de plus de dire que c'est un invariant. Est-ce que ça ne suffit pas de dire, c'est des biais cognitifs qu'on retrouve à différents moments dans le temps et dans l'espace. Quel besoin t'as de dire c'est un invariant parce qu'on les retrouve dans différents moments dans le temps. Si on les retrouve dans différents moments dans le temps et dans l'espace, je ne sais pas comment les caractériser. J'accepterais un terme alternatif, mais je n'en ai pas vu qui soit plus satisfaisant que le terme invariant, en précisant encore une fois que ce n'est pas dans le sens physique du terme. Hein. Mais peut-être qu'il en existe un meilleur. Puis j'avoue que j'aime bien aussi l'euphonie qui est créée entre variables sociales et invariants mentaux. Quoi. Je veux dire, ça, c'est une synthèse qui permet bien de voir ce dont il est question, mais on peut en discuter. Merci beaucoup de vous exposer. Louis-André Vallet, Observatoire sociologique du changement, du CNRS et de Sciences Po. Je voudrais commencer par m'excuser auprès d'Olivier Favreau pour être arrivé au beau milieu de son exposé. Mais j'avais dit que je ne pouvais pas arriver avant. Je voudrais dire simplement ceci. D'abord, merci d'avoir organisé cet après-midi sur l'individualisme méthodologique aujourd'hui. Je pense que ça peut être intéressant aussi de chercher à juger l'arbre à ses fruits. Et je voudrais peut-être essayer de le faire dans le domaine de la sociologie de l'éducation. Je vais risquer à le faire en quelques mots. Donc, livrer ça à la discussion. Donc, en réfléchissant à partir de cet ouvrage marquant donc de Raymond Boudon, 1973, L'inégalité des chances, la mobilité sociale dans les sociétés industrielles. 10 ans avant, dans la revue Population, 1963, Alain Girard et Henri Bastide analysent les résultats de la grande enquête qu'a fait l'INED sur l'orientation au sortir de l'école et l'école. À cette époque-là, c'est 55% des sortants de CM2 qui entrent en 6e. Les autres vont vers les classes de fin d'études. Et les différenciations sociales sont très grandes. Et alors, dans cet article, en fait, Girard et Bastide identifient ce qu'ils appellent les deux causes de la non-démocratisation. La première, c'est l'inégalité de performance scolaire. Et très rapidement, en fait, Pierre Bourdieu se saisit de ça. Et tout ceci est repris donc, dans le texte de Bourdieu, La transmission de l'héritage culturel, 1966. Alors, il y a une deuxième cause à la non-démocratisation, et Girard et Bastide l'énoncent ainsi en disant, même à égalité de notes, la chance pour l'enfant d'entrer en sixième dépend de sa condition sociale. Et on voit très bien dans les graphiques, effectivement, de population que lorsque le niveau d'élève est excellent, en fait, il n'y a pas de différence entre les enfants de cadre et les enfants d'ouvriers. Même les enfants d'ouvriers entrent en classe de sixième. Par contre, que lorsque le niveau est moyen ou moyen supérieur, alors là, ces différences sont importantes. 20 ans après, Alain Minguin, Marie Durubella retrouvent le même type de structure statistique dans l'orientation entre la fin de la classe de 5e et la classe de 4e. Aujourd'hui, on la retrouve dans l'orientation après la 3e vers le fait d'aller en seconde générale ou technologique ou aller en seconde professionnelle, ou on la retrouve en fait après le baccalauréat dans le fait d'aller ou de ne pas aller, par exemple, vers une CPGM. Et on trouve ça dans tous les pays du monde. C'est une grande constante, en fait, cette structure statistique, c'est une grande constante de la sociologie de l'éducation. Et donc, c'est précisément sur ce point-là que Raymond Boudon réfléchit dans la première partie de l'inégalité des chances. Et dans cette première partie, en fait, il développe donc un modèle de décision scolaire en fonction de la position sociale, où il dit, en fait, en substance, substance, voilà, donc la décision de poursuite ou de non-poursuite à un moment donné du cursus dépend de différents paramètres, les bénéfices escomptés à la poursuite des études, les coûts associés à la poursuite des études et le risque d'échec. Et l'évaluation de ces paramètres dépend fondamentalement de la position sociale des familles. C'est ça donc ce que développe Boudon dans l'inégalité des chances. Alors j'ai envie de dire là-dessus, ça a une grande postérité. Et pour le voir, il faut alors passer à la littérature de langue anglaise. En 1997, dans Rationality and Society, Richard Green et John Goldthorpe développent effectivement donc, un modèle formel donc, qui vise effectivement à proposer une explication et qui est fondamentalement basé sur les intuitions de Raymond Bouzon. On a eu à la suite de ça un certain nombre de tests empiriques qui montrent que en fait ça marche assez bien. Et sur le premier point, je vais finir en disant dans la même revue Rationality and Society, dans le dernier numéro de l'année 2017, il y a un jeune assistant professor de l'université de Leipzig qui s'appelle Andreas Stutik qui dresse en quelque sorte un bilan de toute cette littérature. Donc j'ai envie de dire sur ce, dans le domaine de la sociologie de l'éducation, ce modèle de décision scolaire en fonction de la position sociale, ça a inspiré en fait les sociologues du monde entier pour analyser donc les inégalités d'éducation. Alors, la deuxième partie de l'inégalité des chances, c'était pour Raymond Boudon expliquer ou rendre compte de ce qu'il considérait comme un paradoxe, le fait que des changements qui interviennent dans l'éducation ne changent rien à la structure de la mobilité sociale. Et pour faire ça, parce qu'il y a relativement peu de données à sa disposition, il développe un modèle de simulation. Cette seconde partie de l'inégalité des chances, en fait, elle est aujourd'hui obsolète. On a des travaux aujourd'hui, il y a un ouvrage comparatif portant sur 8 pays qui va paraître à Stanford University Press à la fin de l'année 2018, où on montre très clairement sur ces 8 pays que, effectivement, c'est à la fois donc, l'expansion de l'enseignement, un effet de composition un peu subtil qui lui est lié, et la démocratisation de l'enseignement, donc l'affaiblissement de l'association statistique intrinsèque entre origine sociale et diplôme le plus élevé obtenu, qui a transformé en fait le niveau de la fluidité sociale dans ces différents pays. Pas beaucoup, mais tout de même. Enfin, la variation des régimes de mobilité des sociétés en fait est clairement liée à des changements intervenus dans l'éducation. Donc pour le dire vite, autant il faut retenir la première partie de l'inégalité des chances, autant la seconde, effectivement, on sait aujourd'hui, mais c'était difficile pour le voir, il fallait des données nombreuses, des modèles puissants, etc. Alors, tout dernier point, je pense que, je livre ça à tout le monde, peut-être, je ne sais pas encore écrit là-dessus, mais si on prend la dynamique temporelle de l'inégalité des chances, la dynamique temporelle de l'inégalité des chances devant l'enseignement en France, elle est très particulière. Pour le dire vite, ce sont les générations nées dans les années 1940 qui ont... c'est les générations nées dans les années 1940 donc, qui ont connu les grandes heures de la démocratisation. C'est là que le lien entre origine sociale et diplôme le plus élevé obtenu se transforme le plus. Ça se voit très clairement dans les enquêtes formation et qualification professionnelle, dans les enquêtes emploi. Antoine Pro explique très bien dans ses travaux d'historien que, en fait, il y a le ministre de l'Éducation sous le gouvernement de Vichy, Jérôme Carcopino, qui souhaitait en fait réduire la concurrence que la filière primaire supérieure faisait à la filière secondaire. En fait, Jérôme Carcopino a introduit donc a décidé en fait d'introduire les écoles primaires supérieures dans la filière secondaire. Et je pense qu'on pourrait en fait, du coup le fait de faire ceci a permis à des enfants de classe populaire finalement qui étaient passés par la filière primaire supérieure ensuite de rejoindre la filière secondaire et de parvenir au baccalauréat. Mais je pense qu'il faudrait regarder de près dans des données historiques, mais c'est pas du tout... on pourrait rendre compte, ce que je veux dire là, et je vais m'arrêter là, c'est simplement dire qu'on pourrait rendre compte de cette... Possiblement, donc on pourrait rendre compte de cette dynamique particulière à partir de cette décision de Carcopino et de la façon dont ça a transformé en fait l'évaluation des risques que les familles populaires avaient donc dans leur décision scolaire. Voilà, donc je livre ça à la discussion et tout spécialement de Nathalie. Non, mais on revient sur des vieux débats. Mais en revanche, non, mais tout à fait d'accord avec cette appréciation de l'importance actuelle des intuitions et travaux de Boudon. En revanche, quand même, je rediscuterai quelques secondes le fait que la deuxième partie du modèle ne peut pas être considérée comme obsolète au sens où il ne faut pas oublier que Boudon fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de changement structurel pour montrer que dans le cas où la société, justement, où les positions sociales restent structurelles, offerte donc reste structurellement stable. Dans ce cas-là, il montre que malgré un développement de l'égalité des chances, enfin qui est à mettre entre guillemets, au sens où il y a une progression relative des catégories sociales, de toutes les catégories sociales dans le système éducatif, mais une progression à partir de certains indicateurs, irait dans le sens d'une diminution de l'inégalité, mais à partir d'autres façons de regarder les choses, on est dans un système qui reste relativement stable, où les positions relatives des individus en fonction de leur origine sociale n'a pas changé. Donc, du coup, si la structure, malgré le fait que tout le monde avance, si les positions relatives restent inchangées et que la structure sociale ne change pas, alors le résultat, c'est la stabilité, ce que le modèle de Boudon tentait à montrer. Donc en soi, bon, peut-être s'était-il appuyé sur des constats relativement stables de la mobilité sociale, alors même que d'autres modèles aujourd'hui montrent une augmentation de la fluidité sociale. Mais en soi, ça n'invalide pas ce que nous apprend le modèle, et même la deuxième partie. Voilà, ça c'était une parenthèse. Je dirais que, en tous les cas, que les analyses que je fais me conduisent à beaucoup moins d'optimisme quant aux effets des développements des systèmes éducatifs sur l'inégalité des chances. Mais bon, je ne veux pas entrer dans les détails, mais voilà, c'est pour dire simplement qu'on est que finalement, en tant que, on va dire, élève de Boudon, tant lui, André Vallet, que moi-même, on est en train, encore 30 ans, 40 ans plus tard, à rediscuter ces éléments qui ont été mis ces éléments de connaissance que Boudon a développés donc dans les années 70. Donc tout ça est très actuel. Mais voilà. Oui, mais c'est aussi des questions qui sont retravaillées de manière collective, tout particulièrement dans le comité de recherche stratification sociale et mobilité de l'Association internationale de sociologie. C'est dans ce cadre-là, effectivement, que sont accomplis effectivement les développements dont je viens de parler. Très bien. Je laisse la parole à Alban qui voulait. Oui, je voulais juste m'introduire dans ce débat, quoique je ne sois pas spécialiste de sociologie et éducation. Et j'ai trouvé très éclairant notamment ce que tu as dit tout à l'heure sur la deuxième partie, au niveau factuel ou empirique. Mais là, le commentaire... On entend, oui ? Oui, on entend ? Mais le commentaire que je veux faire, c'est d'un point de vue épistémologique et en rapport avec ce dont on parlait avant, l'individualisme structural. Parce que moi, ce qui m'a frappé il y a quelques années en relisant l'inégalité des chances, et notamment dans la perspective du débat sur la pertinence de l'individualisme méthodologique, c'est que Boudon, dans cette deuxième partie, modélise et même il axiomatise, il présente ça comme une axiomatique, mais ce qu'il modélise, c'est des structures sociales. Ce n'est pas une modélisation l'acteur individuel, c'est une modélisation de la structure sociale dont il parle. Il y a axiome 1, axiome 2, bon, concernant la société américaine ou la société française, et ça, c'est quelque chose qui est inaperçu et qui n'a pas été mis en valeur par Boudon. Boudon, il y avait une critique faite par un Américain, j'ai oublié son nom, une critique désastreuse, Hauser, qui disait, bon alors c'était, il restait rien de Boudon, parce qu'il disait, on ne peut pas faire de la simulation, etc. Mais je pense qu'avec le recul et en prenant un point de vue de philosophie générale des sciences, au contraire, là on avait en sociologie quelqu'un qui modélisait, comme en climatologie on modélise, on fait des modèles de l'évolution de la société ou de la structure de la société en l'absence de données. Et c'est des modèles sur une structure. Donc, moi, je pense que là, ça justifie ce que disait Mario Bunge, qui, lui, est un philosophe des sciences sociales, qui connaissait les sciences sociales. Bunge, dans cet ouvrage auquel je me suis déjà référé, parlait du diagramme de Boudon-Coleman, hein, et en insistant, justement, sur le fait que, dans ce diagramme de Boudon-Coleman, bon, peu importe, mais enfin, c'était justement le fait que ils intègrent les structures, hein, et donc Bunge disait, on a là un individualisme méthodologique, si on veut, mais structural. Voilà. Et donc Boudon n'a pas du tout mis ça en valeur après. Hein, il n'a pas du tout insisté sur le fait qu'il modélisait des structures. Donc maintenant, quand Houdon dit, ah ben on a évolué, etc., depuis Watkins, etc., maintenant il y a une nouvelle forme d'individualisme qui est individualisme structural, c'est un peu étonnant. Mais là, c'était pour dire simplement que je trouve que ça, c'était une innovation chez Boudon assez impressionnante. Il a repris un peu quand même dans la place du désordre. Oui, mais lui, mais ça n'a pas totalement repris. C'est-à-dire que ça, c'est une originalité de Boudon. Ça a peut-être été repris un peu du désordre, mais j'avoue que ça ne m'a même pas frappé, ça. Il se fait tard et on doit libérer la salle. Ah, il y a une question, d'accord. Il y avait... Oui, on va... Donc, j'avais une petite remarque adjacente pour Alban Bouvier et puis une question générale pour Gérald Brunner, mais en fait pour vous tous. Cette remarque, c'était sur la filiation, enfin le rapport individualisme méthodologique et différents programmes de recherche. Et donc Christophe a fait la remarque sur en ce qui concerne ce qu'on peut qualifier Durkheim d'individualiste méthodologique. Et vous avez évoqué aussi la question de l'échec scolaire, dont on vient de parler là un instant. Et si on prend Boudon, les interprétations Boudon, Bourdieu, Baudelot et Stablé, de ce fait social, il me semble assez clair que l'entité à expliquer, donc l'échec scolaire, se décline de façon assez différente selon les programmes, et que les entités explicatives sont là encore très différentes, et que si Jean-Michel Berthelot était avec nous aujourd'hui, il nous dirait que la schématisation du réel est aussi très différente dans ces trois programmes de recherche. Et donc j'étais un peu plus, je suis tout à fait d'accord, je vous suis totalement sur le fait de démystifier un petit peu les grandes oppositions paradigmatiques, mais là, sur ce cas précis, ça me semblait un peu plus délicat. D'abord, j'ai essayé de donner un sens étroit à l'individualisme méthodologique en retournant à Weber. Bon, j'ai dit, ce qui est caractéristique, c'est la chasse aux entités, aux pseudo-entités collectives. Bon, et je vais vous distinguer ça d'un programme de fondement micro-sociologique, de données macro-sociologiques. Et donc, chez Durkheim, chez Boudon, chez Bourdieu, chez Baudelot et Stablet, on a bien un programme de recherche des fondements micro-sociologiques, des données macro-sociologiques agrégées. Mais on ne peut pas dire que ces auteurs, à mon avis, sont individualistes méthodologiques, notamment Durkheim, pour les raisons mêmes que Jean-Christophe a rappelées, c'est que les pseudo-entités collectives abondent dans le suicide. Maintenant, dernier point, c'est que, à mon avis, il faut faire la part de la rhétorique dans tous ces travaux. Hein. Je pense que Boudon et Bourdieu ont majoré leur désaccord pour des raisons humaines, etc., ou que Schumpeter explique bien, il y a des passions collectives dans des groupes, etc. Je pense qu'il y a beaucoup moins de divergences entre les sociologues que qu'on le dit généralement. Et pour en revenir à Jean-Michel Berthelot, qui est un ami que j'appréciais beaucoup, etc., là, je suis en désaccord, en fait, avec sa classification des schèmes. Je trouve, pour le coup, qu'il est beaucoup trop libéral, pluraliste. Il y a même, par exemple, Maffezoli qui intervient au même niveau que Boudon. Il y a le schème herméneutique, le schème dialectique, etc. Je pense que c'est trop généreux. Chez Boudon et Maffezoli, c'est deux schèmes différents, mais... Oui, c'est deux schèmes différents, oui, mais ils sont au même niveau. Ils ont chacun leur schème. C'est un grand pluraliste. Et puis, il y a le schème dialectique. Bon, je pense qu'il est trop... Je trouve que ça, c'est pas analytique, pour le coup, même si c'est clair. Hein. Et la question plus générale pour vous tous, c'est... il me semble qu'il ressort de votre exposé à Bonbouvier et du vôtre, le premier, sur ce que c'est que l'individualisme méthodologique et les critiques qui lui ont été adressées. C'est que d'une part, ces critiques sont très souvent infondées, et que d'autre part, il me semble, l'individualisme méthodologique est relativement plus parcimonieux en termes d'entité mobilisée que d'autres programmes de recherche. Et en ce sens-là, s'il est plus parcimonieux, il me semblerait plus simple à manier, plus scientifique que d'autres programmes. Et la question qui est une espèce de mise en abîme, c'est liée à la parution récente de l'ouvrage de Gérald Bronner, c'est. Et dans ce cas, si ce programme est plus parcimonieux, plus efficace, permet de faire des prédictions plus fortes, pourquoi ce programme suscite tant de résistance, non pas au darwinisme, mais donc à l'individualisme méthodologique? Pourquoi est-ce que la publication de cet ouvrage sur le danger sociologique qui prend en partie, qui s'oppose à certaines au biais d'intentionnalité, à ces entités collectives qui sont très difficiles à appréhender, pourquoi est-ce que ça suscite de telles critiques aussi vives dans la discipline? Bon, puisque tu me regardes, je vais répondre très brièvement parce que bon, je pense que c'est peut-être un débat qui a fini de fatiguer tout le monde. L'explication qu'on propose, et c'est pas un livre de sociologie, hein, le danger sociologique, c'est un livre de réflexion théorique, disons, c'est pas un livre de sociologie de la sociologie. Il y manquerait sans doute un certain nombre de données, mais l'explication qu'on propose, c'est que précisément, la science, finalement, c'est un travail collectif de sélection des idées, d'ordinalité des idées. Et qu'il y prévaut des règles qui ont tendance à s'universaliser, même s'il y a sans doute des logiques locales selon les disciplines. Et que la sociologie est caractérisée par un mode de sélection des idées qui n'est pas celui qu'on retrouve de façon le plus orthodoxe dans les autres disciplines. Et qu'en particulier, le succès d'une idée sur ce marché n'est pas forcément, ne lui assure pas, enfin la popularité, comme je disais tout à l'heure, de certaines idées, comme sur d'autres marchés cognitifs, n'est pas forcément adossée à la puissance de l'argumentation et de la démonstration. Et en particulier, je trouve que notre discipline est traversée, c'est ce qu'on écrit dans le livre, par un certain nombre de tentations intellectuelles, et en particulier celui bien connu du biais d'intentionnalité, que dès son origine, l'IM a essayé d'évaluer et que, je crois, les autres disciplines, beaucoup d'autres disciplines, ont évacué précisément. Et donc, voilà la raison. Est que c'est un marché des idées qui ne s'est pas encore donné, par exemple, on parlait de variables tout à l'heure. Alors effectivement, j'avais un petit point de désaccord avec la toute fin d'intervention d'Alban Bouvier, intervention que j'ai beaucoup aimée par ailleurs. Mais l'idée, par exemple, que le fait de constater une corrélation entre niveau de chômage et délinquance soit un niveau satisfaisant de l'explication ne me paraît pas convaincant. Parce que ça, c'est un niveau satisfaisant descriptivement. Pour moi, c'est un modèle descriptif, mais ce n'est pas un modèle explicatif. Et le danger, me semble-t-il, quand on confond, ce que ne fait pas du tout Alban, hein, mais quand on confond un modèle de type descriptif avec un modèle explicatif, c'est que se loge presque mécaniquement la génération d'entités collectives douteuses, n'est-ce pas ? Et à qui on prête un pouvoir causal. Évidemment, c'est une sucrerie pour l'esprit, en quelque sorte. C'est très attractif pour l'esprit. Et c'est précisément pourquoi on se dote en science de moyens de sélection des idées, pour éviter la tentation intuitive que l'on peut avoir par rapport à certaines propositions. Et moi, je trouve que la discipline en est truffée. Mais les collègues qui ne sont pas d'accord avec nous disent que ce n'est pas vrai et qu'on a pratiqué le syndrome de l'homme de paille, qu'on a exagéré. Voilà où en est l'état du débat. Ah oui, il faut peut-être qu'Alban puisse dire un mot. Je ne peux pas répondre. Si, quand même. Je ne peux pas répondre. Un mot, Sylvie, qu'Alban puisse répondre. En deux mots, alors. Un tout petit peu interpellé. Juste, moi, je suis en désaccord, avec toi. Je pense qu'il y a des niveaux d'explication causale différents. Et je répondrai juste par une analogie avec la biologie. Le fait qu'on découvre une corrélation entre le nombre de cigarettes que quelqu'un fume et le fait que le nombre de gens qui ont le cancer, c'est une corrélation qui est au niveau macro niveau des données agrégées, ça permet déjà d'agir. On veut dire, faites attention, il y a des grandes chances, que le fait de fumer, ça provoque le cancer, même si on ne connaît pas au niveau micro les mécanismes qui font que certaines éléments du tabac. C'est un modèle descriptif. Non, c'est un modèle explicatif. Tu peux avoir des explications. Tu ne sais pas niveaux. Ce qui, dans le tabac, provoque le cancer. Eh ben, c'est un modèle qui est descriptif. Tu peux avoir des niveaux, à ce moment-là, il faut chercher un niveau d'explicatif fondamental qui va être au niveau de la mécanique quantique. Non, il y a des niveaux d'explication causale, causaux différents. Alors, il faudra faire un autre colloque sur le niveau d'abstraction adéquat, précisément, parce qu'il y a des arguments agir, pour ne pas descendre. Enfin, moi, je défends, comme tout le monde. Mais, je défends une théorie pragmatique de la causalité, comme un certain nombre de philosophes des sciences contemporaines. À partir du moment où tu peux agir, c'est que tu as identifié un bon niveau d'explication causale. On peut en finir ces discussions autour d'un verre au deuxième étage. Merci.